L'appel nominal, Tony Di Martino présent, Olivier Tarabella. Présent. Elham Shaïr a donné pouvoir à Manon Chrétien. Édouard de Noël, Émilie Trigot, Vincent Doucissé a donné pouvoir à Jean-Claude Oliva, Cédric Pape, oui. Yasmina Sadoud, Choki Haddad, Edith Félix, Brahim Akour a donné pouvoir à Anne Gerval, Merlin Georges a donné pouvoir à Émilie Trigot, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille, Yalana Dino m'a donné pouvoir, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy a donné pouvoir à Abdelkrim Karmaoui, Frédéric Gamin a donné pouvoir à Édouard de Noël, Mariem Diop a donné pouvoir à Edith Félix, Kaline Tribic a donné pouvoir à Cédric Pape, Amit Chahir, Mamadou Silla, Manon Chrétien, Issa Nounissi a donné pouvoir à Olivier Tarabella, Zora Kelly a donné pouvoir à Grégoire de la Gannerie, Mona Bellil, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens a donné pouvoir à Angéline Desbordes-Silly, Pierre Vionnet, Laurent Jamais, Angéline Desbordes-Silly, Raquel Garrido a donné pouvoir à Solène Le Bourris, Claire Laurence a donné pouvoir à Pierre Vionnet, Solène Le Bourris. Un point d'information globale concernant une affaire dont nous avions eu l'occasion de parler au sein de cette salle du conseil municipal. Elle concerne l'affaire des Chaklirs, puisque le tribunal de Bobigny a rendu son jugement le 1er février dernier, jugement devenu définitif, et qui a condamné des agents de la ville pour une utilisation frauduleuse des Chaklirs. J'ai eu l'occasion de communiquer sur le sujet, je pense que vous en avez pris connaissance. Donc le tribunal a définitivement condamné les agents concernés à prononcer des peines à leur encontre allant jusqu'à 3 mois de prison, avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Le tribunal a également déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la commune de Bagnolet. Elle les a condamnés à verser à la commune 1 euro de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 350 euros au titre de l'article 475.1 du Code de procédure pénale. Je rappelle que dès que les faits ont été portés à notre connaissance en mars 2021, la ville avait, au nom du principe de précaution, décidé de suspendre à titre conservatoire l'agent titulaire mis en cause et de ne plus faire appel à l'agent vacataire également mis en cause. Suite à ce jugement, la suspension de l'agent titulaire a été prolongée dans l'attente d'une décision du conseil de discipline qui statuera sur son sort et pour lequel la ville demandera la sanction la plus forte. Il n'a plus été fait appel par ailleurs à l'agent vacataire. La ville de Bagnolet condamne fermement ces agissements qui ont gravement porté préjudice aux personnes bénéficiaires de ce dispositif et qui ont jeté le discrédit sur l'ensemble des agents de la collectivité. En plus des Chaklirs, je le rappelle, des chèques cadeaux ont également fait l'objet des détournements et d'une usurpation d'identité reconnue lors de l'audience, au détriment d'une bagnolaise injustement mise en cause et qui a de son côté déposé plainte pour obtenir réparation. Choki Haddad, nous dire un mot. Merci, Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, chers collègues. J'ai toujours grand plaisir à me déplacer à la rencontre des fonctionnaires de la ville de Bagnolet, en particulier lorsque je me rends dans nos centres socioculturels dont j'ai la charge. Ce plaisir est aujourd'hui encore plus fort puisqu'il y a des occasions à ne surtout pas manquer. Et c'est le cas en particulier lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt et surtout l'image de notre ville, l'image de nos agents communaux et l'image de nos administrés, c'est-à-dire l'image de nos habitantes et de nos habitants, bien trop souvent amalgamés dans des tribunes médiatiques de l'extrême droite. Je me présente face à vous ce soir pour rendre compte de l'action municipale dans le cadre de l'affaire dite des Chaklirs, comme je m'y étais engagé devant vous l'an dernier. Un communiqué a déjà été publié sur le site de la ville, effectivement, comme l'a rappelé Monsieur le maire, dès que nous avons eu la confirmation du jugement rendu il y a peu. Afin de faire publiquement toute la lumière sur cette affaire, je prends la parole ce soir pour vous informer en synthèse, mais précisément sur l'état actuel de la situation. Donc depuis la révélation de cette affaire en mars 2021 dans les médias, suite à la publication sur les réseaux sociaux d'un lanceur d'alerte bien connu localement, plusieurs actions ont été mises en place par la ville. Une enquête administrative a aussitôt été demandée par le maire et réalisée par le directeur général des services. Les deux agents concernés ont été convoqués. Par la suite, l'agent vacataire a vu son contrat prendre fin et la ville n'a plus fait appel à ses services compte tenu des éléments réunis jusqu'alors. L'agent titulaire, qui est donc la conjointe du précédent agent vacataire, a également été suspendu à titre conservatoire le temps de l'enquête administrative. Cette enquête interne ainsi que l'enquête judiciaire ont pu confirmer l'implication de cet agent, qui a donc été suspendu jusqu'au jugement ayant eu lieu le 5 janvier dernier. Suite à ce jugement, la suspension de l'agent titulaire a été prolongée dans l'attente du conseil de discipline qui statuera sur son sort et pour laquelle la ville demandera les sanctions les plus sévères, puisque cette dernière a été reconnue coupable et condamnée définitivement par le tribunal correctionnel de Bobigny. Par ailleurs, il est utile de rappeler que l'une de nos administrées a été victime d'une usurpation d'identité pour masquer l'escroquerie dans le cadre de cette affaire. Ces faits ont été démontrés par l'enquête judiciaire et reconnus lors de l'audience par l'une des mises en cause ayant participé à ce détournement. La victime a déposé plainte pour obtenir réparation puisque cette dernière a subi une garde à vue alors même qu'elle était enceinte. Et nous renouvelons ce soir notre soutien. Je profite de cette occasion pour saluer à nouveau le travail de nos agents communaux, dans leur grande majorité, ceux qui travaillent chaque jour pour accueillir, éduquer, éveiller nos enfants dans les meilleures conditions possibles. Je parle là évidemment des animateurs de nos centres socioculturels, mais aussi de tous nos agents territoriaux de manière plus générale, les ATSEM, les intervenants en milieu périscolaire, les agents de la direction jeunesse et vie sociale des quartiers, de la direction de l'éducation, de l'enfance, de tous nos agents des services techniques qui interviennent également au sein de notre ville. Leur rôle est essentiel au sein de notre collectivité. Je suis convaincu que la réussite éducative est un travail collectif. C'est un travail particulier qui demande réactivité et sens du service. En particulier, où la dimension humaine conserve une place centrale autour de principes fondamentaux, parmi lesquels le sens de l'intérêt général et l'honnêteté. C'est pourquoi il est essentiel de savoir faire preuve de fermeté et ne pas transiger avec celles et ceux qui abusent de leurs fonctions et des responsabilités qui leur sont confiées. C'est essentiel surtout pour préserver ceux qui en dépendent, mais également ceux qui portent dignement cette responsabilité. Oui, être agent public, c'est être au service de la population. Ce n'est pas un métier comme un autre. Nous avons encore constaté leur extraordinaire mobilisation lors de la crise sanitaire des confinements successifs. Avec le maire, nous avions décidé de maintenir ouverts nos centres socioculturels ainsi que de nombreux autres services municipaux. J'en profite à nouveau pour saluer le travail de nos agents ces deux dernières années en particulier, faisant face à une crise sanitaire inédite, des situations d'urgence. Les agents ont vraiment tout fait pour accompagner nos administrés. C'est précisément dans ces moments que la fonction publique fait office de rempart et les fonctionnaires de sentinelle. Par leur engagement, nos agents communaux sont les garants de l'équilibre social et de nos principes fondamentaux de liberté, d'égalité et de fraternité. L'action publique est ainsi portée par des femmes et des hommes qui ont décidé de se mettre au service du bien commun. Des femmes et des hommes qui, chaque jour, construisent la République en acte et pérennisent son héritage. Des femmes et des hommes comme vous, comme nous. Vous le savez, les fonctionnaires sont souvent l'objet de représentations caricaturales. Ces clichés sont tellement communs que nous nous y sommes trop habitués. Eh bien, je crois justement qu'il ne faut pas s'y habituer. Et face à ce genre de situation, il faut être à la hauteur des enjeux et du message que nous envoyons aux Bagnoletais, à la population, aux agents communaux. Chacun de nous doit lutter contre celles et ceux qui salissent injustement l'image et le travail des fonctionnaires. Outre cette exigence, il faut aussi avoir un discours positif. C'est précisément ce que je m'attache à faire à chacun de mes déplacements, dans chacune de mes interventions. Comme vous le savez, dans ce mandat, ces chantiers d'ampleur sont lancés pour l'amélioration du service public dans notre ville. Ce mandat sera crucial. Le maire ainsi que la majorité municipale, tout comme l'ensemble de l'administration municipale, seront particulièrement mobilisés pour rester vigilants et garantir le droit et l'accès aux services publics égalitaires à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci. Je propose de passer au premier point de l'ordre du jour. Approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Avenant au contrat d'assurance responsabilité civile. Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit simplement d'une régularisation pour l'exercice 2020 qui vient du fait que c'est assis sur la masse salariale de la collectivité. Et donc, à la fin de l'année, il y a une régularisation de 611 euros hors taxe. Donc, on est sur l'épaisseur du trait, mais qui doit passer au Conseil. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération 3. Protocole transactionnel avec M. Nguyen Vanieu, André, suite à un sinistre sur le domaine public. Délibération malheureusement classique, n'est-ce pas, monsieur Vionnet? Donc, est-ce qu'il y a des... Monsieur Jamais? On était en train de se dire qu'effectivement, c'était très répétitif. Vous vous interrogez régulièrement sur ce sujet, puisqu'il y a deux délibérations ce soir portant sur à peu près la même affaire. Hein. Donc, c'est vrai que je ne crois pas qu'il y ait eu un conseil municipal, en tout cas en 2022. Il y en a eu de nombreux aussi en 2021. Enfin, à chacun de nos conseils, on se retrouve avec des protocoles transactionnels. Donc, évidemment, on vote pour, parce qu'on ne veut pas laisser ces personnes dans l'embarras. La dernière fois, je vous avais interpellé, parce que c'est vrai qu'on parle généralement des agents des espaces verts, un peu les rendant responsables. Moi, je pense qu'il y a du matériel aujourd'hui dans cette ville qui est obsolète et qui conduit à avoir ce genre de désagrément et qui nous conduit, nous, au conseil municipal, à voter à chaque fois des protocoles transactionnels que nous votons, bien entendu, que je vais le redire, pour faire en sorte que ces gens qui sont victimes de casse de leur automobile puissent être remboursés. Ceci dit, bon, voilà, je pense qu'il y a peut-être du matériel à changer aussi. C'est prévu, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans le cadre du ROB, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas d'autres remarques? Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. La délibération 4, délibération semblable qui concerne M. Sacco Meghi. Je propose de passer au voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Rapport suivant, présentation du rapport social unique 2020 RSU. Donc il s'agit d'un nouveau dispositif issu de la loi dite de transformation de la fonction publique de 2019 que nous avons eu l'occasion de présenter à l'avant-dernier CT, si ma mémoire est bonne, et qui fait l'objet d'une présentation en conseil municipal. Il vous sera demandé de prendre acte de la présentation de ce nouveau dispositif, de ce nouveau rapport. Est-ce que vous avez des observations, Madame Le Bourris? Bonsoir. Je trouve assez regrettable que ce soir nous n'ayons pas le droit à une explication bien plus détaillée. Je regrette aussi ce soir l'absence de l'élu chargé à l'égalité femmes-hommes et de toute discrimination, parce que je pense que c'était aussi à son rôle. J'espère qu'elle sera présente. Ouais. Ah, désolée. Je ne savais pas, en fait. Vu que vous êtes taquin et que vous vous permettez de me couper la parole... j'ai regardé le bulletin municipal du mois de février. Rien n'avait été annoncé sur ce que la ville comptait proposer en termes d'égalité femmes-hommes. J'y suis allée aussi, vous savez, le 6 mars. Il n'y avait rien non plus sur le site de la ville. Donc, bien évidemment, on verra les photos lors du bulletin du mois de mars. Voilà, demain. Merci de me couper la parole. Ça, c'est très souvent, je ne sais pas... Voilà, c'est quand même bizarre comme procédé. Donc, je trouve quand même regrettable son absence, parce qu'elle est quand même très souvent absente au conseil municipal. Je pense que c'était aussi de son rôle, parce qu'on parle quand même d'égalité. C'est marqué. Hein. Une présentation aurait été poussée. Et puis, l'année dernière, quand il a fallu aussi présenter le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, elle était absente aussi l'année dernière. Ce n'est pas la première fois. Donc, je vais revenir sur ce rapport. Donc, effectivement, moi, j'ai une question à vous poser. C'est quelles politiques publiques vont être mises en œuvre pour une fonction publique plus harmonieuse? Madame Le Bourris, je pense que vous confondez les rapports. Là, on parle du rapport social unique 2020. Et le rapport sur l'égalité femmes-hommes sera présenté en même temps que le rapport sur le budget primitif le 7 avril prochain. Oui, voilà. C'est ce que je viens de dire. Vous faites exprès de ne pas me comprendre, non, vous faites exprès de me faire passer pour une imbécile, mais ce n'est pas grave. Monsieur Dimartinos, mais je suis sans doute aussi un imbécile et je ne sais pas lire. Ouais. Moi, quand j'ai lu le rapport social, et ça me semble même être assez conforme au texte, puisque il y a une loi récente qui fusionne les rapports, et quand j'ai lu le rapport, il y a une partie importante sur la question de l'égalité homme-femme, et d'ailleurs avec des éléments qui sont intéressants et qui méritent d'être portés au débat. Tout à fait. Donc je n'ai pas l'impression que ma collègue Solène soit hors sujet. Ils seront présentés de manière détaillée, monsieur, comme le prévoit la loi, lors de l'examen du budget primitif le 7 avril. Voilà. Je vais juste terminer. Donc ce soir, il y aurait dû avoir aussi une présentation ce soir. Et en plus, le 7 avril, c'est la moindre des choses. Je pense que mon intervention est justifiée. J'ai pris le temps de le lire, puis je prends le temps aussi de l'exposer aux Bagnoletais qui nous regardent ce soir. Et par exemple, j'ai remarqué que, c'est un fait sociétal, mais je remarque qu'il y a encore des postes occupés qui restent genrés, par exemple comme les ASEM, comme l'agent technique. C'est des véritables réflexions à porter pour justement voir ce qu'on peut faire. Donc c'était des petites questions comme ça, et je pense que mon intervention ce soir n'était pas du tout hors sujet, bien au contraire. Merci. Effectivement, il y a encore des postes qui sont trop genrés, il y a encore des types de postes qui sont trop occupés parfois par des hommes, notamment dans certaines fonctions d'encadrement, et ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Mais je vous assure que le rapport sur l'égalité homme-femme fera l'objet d'une présentation détaillée au moment du vote du budget primitif le 7 avril. Est-ce qu'il y a des observations, Edith? Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, sur l'égalité homme-femme, effectivement, on en discutera sans doute la prochaine séance. Néanmoins, en effet, le rapport montre bien qu'il y a des différences de salaire entre les hommes et les femmes, et c'est un élément qui est effectivement civilisationnel, pardonnez-moi, et qu'il convient que nous nous emparions et que la ville fasse ce qu'elle peut, au moins, enfin, prenne sa part de responsabilité dans ce problème. Par ailleurs, dans le rapport, le rapport indique que il n'y a pas d'acte de violence ou de harcèlement, hein, ils sont à 0% dans le rapport, ce qui n'est pas le cas. Dans ce rapport-là de cette année-là, je crois qu'il n'était pas comptabilisé. Donc ce chiffre-là n'est pas représentatif de rien du tout. On sera attentif à ce que dans le rapport de l'année d'après, les violences soient bien comptabilisées. Voilà. J'avais deux questions. Alors la première, c'était effectivement mon étonnement sur cette question de 0%, parce qu'on de signalement pour harcèlement. Donc, si c'est vrai, on ne peut que s'en féliciter, mais je craignais que ça soit trop beau. Donc merci, je rejoins l'intervention d'Edith. Et puis j'avais une deuxième question aussi, et pas du tout évoquée dans ce rapport social, quand même une évolution importante de la gestion des ressources humaines dans les collectivités comme dans les entreprises, qui est la question du télétravail. Donc j'avais aussi une question sur les dispositions que développe la ville en la matière. Le télétravail, c'est encore, comment on peut dire, d'âpres discussions avec les syndicats. On a eu l'occasion d'organiser au moins deux réunions pour élaborer le document qui encadrera le télétravail à la ville de Bagnolet. Pour l'instant, nous n'avons pas encore abouti, donc nous avons demandé aux organisations syndicales de nous faire part par écrit de leurs propositions pour que nous puissions intégrer un certain nombre d'éléments qui seront ensuite soumis au comité technique et au conseil municipal, comme cela doit être le cas, ça fait encore l'objet de discussions avec les OS. Madame Desmortis. Oui, juste un mot, parce que Solène Le Bourris a dit ce que je voulais dire, et mieux probablement, mais c'est dommage. Alors, je suis ravie de savoir qu'il y aura, que vous allez présenter un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes au mois d'avril. C'est un peu tard, habituellement, ou alors j'ai une mémoire défaillante, mais il est plutôt habituellement présenté au moment du débat d'orientation budgétaire, et ça fait du sens, plutôt que de le présenter juste avant d'adopter le budget primitif. Et puis, qu'on le veuille ou non, le rapport social, il est traversé par cette question des inégalités. Alors, vous avez parlé, je ne sais plus qui a parlé des inégalités de salaire, Edith Félix, mais pas que, évidemment, il y a les inégalités de genre, là, les stéréotypes de genre, là, vous le parcourez, donc c'est facile, hein, c'est des indicateurs chiffrés. Donc, c'est un peu dommage qu'on n'en débatte pas ce soir, mais bon, j'entends que l'élu en charge de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité homme-femme sera là au prochain conseil municipal, et j'espère qu'on en débattra, parce que on a eu par le passé, j'avais déjà eu l'occasion de le dire il y a peu de temps, un plan d'action extrêmement ambitieux. Enfin, vraiment, il y avait une politique, des politiques publiques en faveur de l'égalité qui était assez fantastique. En tout cas, on sentait qu'il y avait une vraie volonté politique de s'attacher à la question. Voilà, j'ose espérer que c'est toujours le cas. Évidemment, je reposerai la question à l'élu, mais je vous la pose aussi ce soir, savoir si le chargé de mission en charge de l'égalité... Il a été recruté. Super, vous très bien. Vous en féliciter. Bien sûr, je vous en félicite, c'est très bien, mais c'est très bien, c'est une très bonne chose. On trouvait que c'était un peu longuet, mais si il ou elle est là, c'est parfait, c'est très bien. Voilà. Pardon ? Eh bien, c'est parfait, c'est très bien, voilà. Bon, donc, j'espère que le débat que nous ne pouvons pas avoir ce soir, nous l'aurons lors du prochain conseil. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Pas d'autres observations, donc je vous propose de prendre acte de la présentation de ce document. Délibération suivante, il s'agit de la mise à jour du tableau des effectifs, et il s'agit, en gros, d'acter la réussite à un concours d'un adjoint territorial d'animation qui réussit le concours d'animateur territorial. Il y a des observations ? Non ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération numéro 7, à recrutement d'un agent contractuel sur le fondement de l'article 3.3.2 de la loi du 26 janvier 1984. Il s'agit de l'adjoint au directeur des finances. Est-ce qu'il y a des observations ? Pas d'observation, je propose de passer aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante qui concerne un jardinier qui est de nationalité étrangère et qui nous amène à délibérer de la sorte. Est-ce qu'il y a des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante, rapport d'orientation budgétaire pour 2022. Olivier Tarabella. Chers collègues, la ville de Bagnolet est une commune singulière qui a fait le choix, un peu contre vents et marées, de maintenir un périmètre de service public exceptionnel en comparaison de ce que peuvent offrir des communes de taille comparable. Un centre municipal de santé disposant également d'un plateau dentaire et où 12 000 bagnoletais déclarent leur médecin traitant. Une cuisine centrale aux équipements récemment rénovés, des centres de vacances à la campagne et à la mer, 5 centres socioculturels et bientôt une antenne supplémentaire au plateau, sans parler d'une politique en direction des seniors, organisée autour du centre Paul Couder, intégrant animation, accompagnement à domicile ou en cours séjour. Nous sommes fiers de ce service public, mais si celui-ci n'a évidemment pas de prix, il a hélas un coût. Et ce coup, la ville de Bagnolet le supporte de plus en plus seule, à mesure que d'autres financeurs ont réduit, voire supprimé, leur concours depuis bientôt 10 ans. En parallèle, l'État s'est attaqué petit à petit, et depuis 2009, à l'autonomie financière et fiscale des collectivités locales. D'abord, en réduisant ses dotations aux communes, Bagnolet touchera ainsi en 2022 près de 7,5 millions d'euros de moins qu'en 2009, soit une baisse de 8% de ses recettes. En parallèle, le phénomène de gentrification que connaît Bagnolet, comme toutes les villes de Petite Couronne, précipite son déclassement au titre des dispositifs de la politique de la ville et induira probablement à moyen terme une perte additionnelle de financement. Il a également progressivement supprimé l'État, les outils fiscaux à destination des communes, culminant avec la suppression de la taxe d'habitation et ne leur laissant plus que la taxe foncière qui concerne une minorité de ménages comme outil de financement des politiques locales. À ce contexte, au long cours, s'est adossée une crise exceptionnelle. Avec la pandémie de Covid-19, celle-ci a entraîné pour nous un effet ciseau. D'une part, une forte diminution de certaines de nos recettes liées aux activités périscolaires, aux droits de voirie ou à la taxe de séjour, et dans le même temps une augmentation de nos dépenses pour adapter notre fonctionnement. Afin d'assurer la continuité des services publics, de respecter les taux d'encadrement des protocoles sanitaires successifs ou de remplacer les agents malades ou cas contacts, nous avons ainsi intégré des surcoûts, notamment 500 000 euros pour les seules vacations, par rapport à 2019. Malgré ces contraintes, la municipalité a maintenu le périmètre du service public et tâche chaque jour d'améliorer le service rendu aux habitants dont nous savons qu'il est nettement perfectible. Mais notre ambition n'est pas seulement de maintenir l'existant et de l'améliorer. Il s'agit également de préparer l'avenir et de répondre aux besoins des habitants. Pour ce faire, la municipalité a élaboré un programme pluriannuel d'investissement de près de 120 millions d'euros portant sur l'ensemble des domaines d'action de la collectivité. Pour le quotidien, il s'agit de porter un effort additionnel sur la voirie avec en complément du bail d'entretien le réaménagement de rues entières, à commencer par les rues Grain-d'Orge et Raoul Berton en 2022. Un effort sur le patrimoine bâti et notamment le patrimoine scolaire avec 750 000 euros de travaux prévus pour cette année. Un effort aussi pour moderniser et mettre aux normes nos centres de vacances pour que les jeunes bagnoletais puissent encore y séjourner dans les décennies à venir. Oléron bénéficiera de tels travaux cette année avant Yzeure en 2023. Il s'agit également d'amplifier notre engagement dans la transition écologique avec la mise en œuvre d'un plan de déploiement de pistes cyclables doté de 200 000 euros par an, de prévoir la déminéralisation de cours d'école et un renforcement de la végétalisation de l'espace public, de nous réapproprier et de verdir les squares et parcs comme au square Jules Ferry ou Varlin. Ce plan pluriannuel d'investissement prépare également l'avenir avec le financement de la reconstruction de l'école Pêche d'Or, du groupe scolaire Langevin, la construction d'une nouvelle école en centre-ville dont le terrain sera acquis cette année et d'une crèche rue Daumier. C'est la réhabilitation du 115 rue Robespierre et de l'hôtel de ville historique et la poursuite de la rénovation urbaine au Malassis et à Lannou ou encore la réhabilitation du stade de la briqueterie autour du nouveau collège Travail Langevin. Alors que les communes de 30 000 à 100 000 habitants consacrent 367 euros en moyenne par habitant à l'investissement, nous engagerons 562 euros d'investissement par habitant en 2022, plus de 200 euros de plus. Pour mener à bien ces deux axes, service public du quotidien et investissement ambitieux, la commune a mis en œuvre une prospective financière sur la durée de la mandature. Cette vision nous permet d'engager des mesures structurelles. En réalisant tout d'abord des économies de gestion, en optimisant notre fonctionnement, en améliorant l'exécution budgétaire ou encore en menant les réformes nécessaires autour du temps de travail et du RIFSEP, en allant chercher toujours plus de financements extérieurs, comme sur le programme En Rue 2, dont les projets municipaux bénéficieront de financements entre 50 et 70%. Nous avons également demandé plus de 25 millions d'euros de subventions pour 2022 dans le cadre des dotations d'investissement de l'État. En maîtrisant aussi notre dette, alors que la reprise de l'inflation et la situation internationale commencent à entraîner une remontée des taux d'intérêt, afin que celle-ci demeure supportable. Une dette qui a été partiellement renégociée en 2021, permettant de dégager pas moins de 11 millions d'euros d'économies sur la durée de la mandature. Nous maintiendrons ainsi un objectif plafond de dette nouvelle à 10 millions d'euros au stade du budget primitif, pour un remboursement de 8 millions, et le principe que les recettes nouvelles viendront atténuer ce besoin. Il est également nécessaire, pour atteindre ces objectifs dans un contexte de maîtrise de la dette, de réduction des dotations de l'État et des conséquences économiques de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine, de solliciter les contribuables bagnoletais avec une augmentation de 15% de la taxe foncière. Celle-ci viendra directement sécuriser le filet que représente le service public local pour tant de nos concitoyens face à la situation actuelle. Des plus jeunes aux plus âgés, face à l'augmentation du coût de la vie, le service public local est un rempart nécessaire et que nous allons développer. Elle permettra également de financer en partie ces investissements attendus pour notre ville. Cette augmentation sera partagée avec les entreprises qui payent 40% de celle-ci et sera, pour les ménages qui payent encore la taxe d'habitation, effacée en tout ou partie par la poursuite de la suppression de cette dernière d'ici 2023. Ainsi, les orientations budgétaires 2022 sont bien au-delà des orientations pour l'année, des orientations pour le mandat, pour un service public préservé, amélioré, modernisé, pour une ville inscrite dans la transition écologique et pour des équipements publics modernes répondant aux besoins de nos habitants. Merci Olivier. Edouard. Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais revenir sur quelques éléments de ce rapport d'orientation budgétaire pour commencer par dire que le groupe Bagnolet en commun salue ce premier budget, alors qu'il n'en est qu'à se dessiner, parce que c'est un débat d'orientation budgétaire, le premier budget qui se dessine placé sous les auspices de la programmation. Parce que, au-delà des chiffres, un budget, c'est une somme de contraintes et une somme de choix qui vont montrer quelles sont ces orientations. Et donc, le travail opéré sur le plan pluriannuel d'investissement montre justement la direction que nous souhaitons prendre ensemble. Vous noterez un certain nombre d'éléments chiffrés dans le rapport d'orientation budgétaire qu'Olivier a introduit. Les plus de 60 millions d'investissements sur le périmètre éducation sur les 5 prochaines années. Les projets, alors qu'on retrouve sous plusieurs items, voirie, environnement, etc., mais qui concernent l'environnement, Olivier en a parlé, et le cadre de vie, rendre la ville marchable, cyclable, la verdir, la rafraîchir, et notamment déminéraliser certaines des cours de nos écoles. Des efforts qui sont faits aussi sur l'alimentation. Il y avait eu un émoi qui avait été créé sur le rôle de la cuisine centrale. Je pense que le PPI, le plan pluriannuel d'investissement, montre que nous allons réinvestir massivement dans l'outil de production publique des repas des enfants de la ville et de nos aînés qui en bénéficient. Je pense aussi à la jeunesse, à la vie sociale des quartiers. Olivier en a parlé, notamment avec l'ouverture de l'antenne Anatole France au plateau, donc pour conforter l'offre des centres socioculturels de la ville, dont Shaouki Haddad, là-bas, à la charge. Je pense aussi à la santé. Là, je ne vais pas tout énumérer, mais il y a des investissements qui vont être faits dans le CMS, notamment des investissements coûteux sur le plateau dentaire. C'est finalement dans le dentaire qu'on note le plus de renoncement aux soins, et donc c'est une vraie offre publique que d'investir dans le dentaire. On a besoin d'investir massivement parce que ça n'est que à ce prix, celui de l'investissement, que le cadre de vie des familles bagnoletaises pourra durablement s'améliorer. Donc je disais, pour rendre la ville marchable, cyclable, pour rendre accueillantes nos écoles, ou encore solide l'offre qui est proposée au CMS. Et effectivement, investir autant a un coût. Et effectivement, nous faisons face à un certain nombre de contraintes qui ont été rappelées, contraintes de pallier les désengagements de l'État, pallier la suppression de la taxe d'habitation qui était un bien mauvais coup qui a été fait aux libertés locales, choix du président Macron qui sera allé malheureusement au bout de cette promesse. Puisqu'elle peut sembler heureuse quand on reçoit sa taxe d'habitation, et c'est un bien mauvais équilibre qui est fait aux finances des collectivités locales. Et puis, dernier élément, on l'a dit, lourdeur de la crise sanitaire, surtout dans une ville où on a de la taxe de séjour qui devait rentrer et qui ne rentre pas, et l'ensemble de ces contraintes et l'ensemble de ces financements ambitieux oblige notamment à des modifications de fiscalité. Vous l'avez lu, on va mettre les pieds dans le plat. Dire que la taxe foncière va augmenter dans la plupart des communes françaises de plus de 20 000 habitants au cours de l'exercice 2022, va augmenter dans toutes les grandes villes écologistes. Je pense à Strasbourg, je pense à Tours, Annecy, Poitiers, Besançon, je pourrais en faire une liste plus importante, et que effectivement, pour avoir cette politique ambitieuse, notamment en matière de cadre de vie et de politique environnementale ambitieuse, cela a un coût. Et je pense qu'il est sain qu'on ait un débat sur ces grandes orientations, qu'on ait un débat sur la question de la fiscalité. L'impôt n'est pas un gros mot, mais s'il doit être augmenté, il doit être fait à un certain nombre de conditions. La première des conditions, c'est d'avoir des finances bien gérées et de donner notamment une perspective, notamment à Bagnolet, dans la soutenabilité de l'endettement et dans le redressement des comptes publics. La deuxième condition, c'est que la ville soit particulièrement bien gérée et qu'on soit à la fois ferme et audacieux, ferme sur des mesures de gestion du quotidien, sur la recherche de marge de manœuvre, audacieux dans la recherche notamment de cofinancement. C'est pas un vain mot. Aujourd'hui, il existe, notamment pour les politiques environnementales, énormément de cofinancement, et c'est à ça que nous devons nous attacher et redoubler d'efforts soutenus par les services communaux pour parvenir à avoir une politique ambitieuse et rendre soutenables ces investissements. Et puis, il faut que, quand la fiscalité sert à l'investissement public, que le service public soit visible, que le service public soit tangible, que ce soit le service public qui est directement rendu à la population, école, crèche, cadre de vie, apaisement des circulations, santé, sport, seniors. Un inventaire qui paraît être un peu un inventaire à la Prévert, mais pourtant c'est l'ensemble de l'offre large de services publics à Bagnolet, de services publics directs à la population sur lesquels on doit s'attacher. Et ce n'est qu'à ces conditions-là que l'effort d'investissement important auquel nous consentons sera perçu comme tangible par la population, que les efforts demandés paraîtront acceptables. Et c'est là-dessus que nous, en tant qu'élus, nous devrons rendre régulièrement des comptes, puisque c'est notre engagement. Je vous remercie. Merci, Edouard. Laurent Jamais. Oui, avec plaisir, Pierre. Oui, bonsoir à tous à nouveau. Donc, le débat d'orientation budgétaire, c'est un moment important de la vie municipale. C'est l'occasion, ce que nous avons ce soir, d'avoir un échange sur la soutenabilité dans le temps du projet de la municipalité, notamment en ayant une visibilité sur les tendances d'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement, le plan pluriannuel d'investissement et son financement, la gestion de la dette, et puis de lire ce qu'est le programme politique d'une municipalité. Une visibilité, alors que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre pays et le monde traversent des crises sans précédent. Une crise sanitaire et désormais une guerre qui frappe notre continent. Des crises qui auront des répercussions majeures sur nos concitoyens. Le budget d'une ville doit intégrer ces risques que nous allons traverser, mais offrir des réponses pour être protecteurs pour les habitants. Ce document que nous avons eu dans nos boîtes aux lettres, n'intègre pas tous ces risques. C'est ce que vous avez d'ailleurs dit dans le cadre de la commission, et ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais c'est vrai qu'il est intervenu, sa rédaction et son envoi est intervenu au moment où la guerre se déclarait. Et je pense qu'il n'est pas vain de dire que la guerre en cours aura des répercussions énormes sur nos vies, sur nos villes, sur nos concitoyens. Et donc, c'est normal de l'avoir en tête. Et les remarques et les critiques que nous pouvions avoir sur celui-ci se retrouvent renforcées. Il faudra donc attendre de lire votre budget pour que nous puissions justement y voir toutes vos décisions. Ce que nous lisons dans le rapport, vous avez souligné, et nous sommes d'accord sur ce point-là avec vous, c'est le Big Bang fiscal au détriment des communes, au détriment des services publics, annonciatrice de déconvenues pour les citoyens. Par exemple, la suppression de la taxe d'habitation, c'est parfois les gens s'en réjouissent, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Tout comme pour évoquer le débat présidentiel, la suppression de la redevance télévisuelle n'est pas une bonne nouvelle non plus. C'est un recul majeur du service public dans tous les domaines. Certes, ces coûts-là, nous les devons évidemment à Macron et à son gouvernement. Mais quand même, à la lecture de votre document d'orientation budgétaire, ce que nous lisons, c'est aussi, et ça nous vous le devons, c'est la diminution de l'offre de services publics, l'augmentation des impôts et l'augmentation de tarifs municipaux. Côté recettes, évidemment, il y a une augmentation qui est forte, mais elle est liée à ce que M. Desnouels a appelé une modification, c'est-à-dire une compensation qui s'obtient grâce à l'augmentation des impôts et des tarifs des services publics. Ça sera 15% sur la taxe professionnelle et un projet d'augmentation des tarifs en septembre 2022. C'est donc une augmentation qui va frapper les Bagnoletais. Alors, justement, dans ce moment-là, une grande nombre de familles ne savent déjà pas comment boucler les fins de mois ou faire face à de multiples difficultés. Sur les tarifs, c'est ce que vous nous avez dit en commission, votre objectif, c'est de faire en sorte qu'on n'augmente pas la pression sur les familles. C'est exactement le même type d'argument qui avait été donné lors de la précédente modification des tarifs dans le mandat précédent, avec en vérité des augmentations qui avaient été violentes sur un certain nombre de tarifs. La ville parie également sur une hausse des droits de mutation qui m'apparaît illusoire dans le contexte de crise économique renforcée par la guerre en Ukraine. Sur les investissements, des interrogations subsistent aussi sur le financement. notamment liées au niveau de l'emprunt. Concernant les dépenses de fonctionnement, il y a peu d'évolution. La municipalité semble vouloir retrouver l'étiage des dépenses hors période Covid. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Pierre Vionnet. En même temps, ce que vous avez présenté tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait exact. Pendant la période Covid, il y a effectivement des dépenses qui ont augmenté, mais de manière générale, sur le regard sur votre budget, on a pu constater que des dépenses qui auraient dû avoir lieu n'ont pas été faites, ce qui est normal, hein, par ailleurs. On ne peut pas vous reprocher d'avoir fait des spectacles alors qu'il n'y avait pas de... Voilà. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de dépenses qui ont été supprimées. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, on ne l'a pas... ils n'ont pas été... voilà. Donc, vous voulez retrouver l'étiage des dépenses. Ça me semble à peu près correct au regard de ce que je viens de dire. L'objectif, c'est de diminuer aussi la masse salariale en s'appuyant sur la volonté de régression sociale et les attaques sur la fonction publique portées par Macron. Ça a été la mise en place du RIF 7, qui se fera sans moyens supplémentaires, l'augmentation du temps de travail des agents à 1 107 heures par an. Sur ce sujet, vous avez refusé notre vœu de soutien aux maires qui se sont inscrits dans le front du refus des 1 107 heures, qui pourtant connaissent quelques succès. Je pense à, évidemment, ce qu'est en train de faire le maire de Bonneuil, qui, sur le plan judiciaire, a obtenu des succès. Ce qui démontre bien que si on ne se bat pas, on ne peut pas gagner, quoi. Le document laisse voir d'autres initiatives que la municipalité entend prendre pour jouer sur la baisse du service public. Vous avez notamment intitulé ce chapitre, il est pudiquement intitulé, je cite le document, « Adapter la masse salariale aux objectifs de service public fixés par la municipalité ». Tous ceux qui savent lire à peu près ce genre de texte savent ce que ça veut dire. Alors que, justement, on est dans un moment, vous l'avez dit, vous l'avez affiché politiquement, cette ambition, mais un moment où le service public va se faire de plus en plus important, que ce soit dans le cadre de la continuité de la crise sanitaire, parce que on nous dit tout va mieux, mais quand on regarde les courbes, malheureusement, les risques sont toujours là et l'effet peut repartir. Je ne veux pas me faire Cassandre, mais enfin, en tout cas, quand on écoute un certain nombre de spécialistes, évidemment, cette possibilité existe très fort. Et évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, les effets de la crise et de la guerre, pardon. Et au moment où aussi l'État va réduire la voilure en matière de services publics, renvoyant sur les communes. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que nous avons cessé de dire durant les deux mandats. Mais je dois dire que si l'État réduit, renvoyant sur les communes, et que dans le même mouvement, les communes réduisent, il ne reste évidemment que peau de chagrin. Sur le niveau d'emprunt, la municipalité annonce vouloir le stabiliser après une hausse ininterrompue depuis 2014, malgré les alertes de la Chambre régionale des comptes et malgré les différentes interventions que nous avons faites. Celle-ci approche les 150 millions d'euros et Bagnolet est l'une des villes les plus endettées de France. Pendant plusieurs années, la municipalité a vendu des propriétés communales pour assurer son remboursement, tout en continuant d'emprunter. Aujourd'hui, le remboursement passe par une augmentation des impôts, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, il y a un graphique à la page 25 du rapport d'orientation budgétaire qui met en évidence les questions posées depuis plusieurs années concernant le remboursement des trois emprunts Schuldschein auprès de la Deutsche Bank. La problématique du remboursement in fine du capital est bien visible. Alors évidemment, ça envoie à plus tard, 2031, 2033 et 2035. C'est certes, évidemment, encore loin, mais comment la municipalité pourra rembourser ses emprunts avec la capacité actuelle de la municipalité à générer de la trésorerie? Voilà, donc une situation économique qui est pleine de risques, un document qui, évidemment, est décalé, mais ça, de ce point de vue-là, je ne veux pas vous faire le reproche par rapport à la situation de guerre, et vous l'avez vous-même reconnu en commission, des annonces en matière d'augmentation d'impôts et de tarifs, une diminution de services publics, des inquiétudes toujours fortes quant à la gestion de la dette. Voilà ce que sont pour nous les grandes lignes de votre orientation budgétaire. Quelques remarques avant de céder la parole à Jean-Claude Oliva, de la redonner à Olivier. D'abord, sur les tarifs, comme il vous l'a été dit en commission, l'objectif c'est de rationaliser, c'est de lisser et de ne pas peser davantage sur les familles. Ça me faisait penser à un débat très récent à Est Ensemble concernant la hausse des tarifs du conservatoire, où justement ce que nous a expliqué le président Bessac à juste titre, c'est que pour éviter d'augmenter massivement tout d'un coup, comme on va être amené à le faire à Est Ensemble concernant les conservatoires, il valait mieux lisser dans le temps et de manière très progressive pour s'adapter à l'évolution des coûts Et voilà, c'est ce que l'on essaye de faire aussi ici. Et on aura sans doute l'occasion de discuter en cours d'année de la mise à jour des tarifs, par exemple, des droits de voirie et autres. Un élément sur le RIFSEP, je rappelle qu'effectivement, on s'est engagé à mettre en place le RIFSEP, que le RIFSEP ne sera pas source d'économie pour la ville, bien au contraire, et que on se met simplement en conformité avec la loi, que l'on intégrera. Je rappelle que de nombreuses collectivités ont déjà mis en place le RIFSEP en Seine-Saint-Denis et que ça n'a fait toucher personne, y compris des municipalités proches de votre famille politique. Donc le RIFSEP sera mis en place et il intégrera la prime, la fameuse prime de Vichère dont on a beaucoup parlé en fin d'année dernière, de manière mensuelle. Sur les 1607 heures, j'entends ce que vous me dites concernant la démarche et la question prioritaire de constitutionnalité qui a soulevé la mairie de Bonneuil. Si j'étais taquin, je soulignerais qu'une semaine après être allé avoir soutenu la démarche au tribunal administratif avec les collègues de Seine-Saint-Denis, le maire de Tremblay convoquait un conseil municipal pour délibérer sur les 1607 heures. Mais comme on est dans un état d'esprit détendu ce soir, je ne le ferai pas. Je vais donner la parole à Jean-Claude Oliva et ensuite Olivier. Hein? Ouais, Tito, je dis rien, on est enregistré. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, le rapport d'orientation budgétaire, en fait, comprend trois parties. Une partie un peu macroéconomique, une partie sur les relations État-collectivité, et puis une partie sur les choix de notre collectivité. Donc, sur la première partie, le contexte macroéconomique, c'est toujours un exercice obligé, souvent un peu décalé par rapport aux réalités économiques telles que nous pouvons les percevoir de notre fenêtre. Et effectivement, là, c'est d'autant plus décalé, comme le disait aussi Laurent Jamet, qu'avec le déclenchement de la guerre, on n'est plus du tout à s'interroger sur les conditions de sortie de la crise. On est dans une période d'incertitude maximale avec cette situation, avec cette guerre en Europe. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, alors peut-être on aura l'occasion d'y revenir aussi tout à l'heure dans le débat sur le vœu, c'est celle d'aider notre population, la population française, la population bagnoletaise, à faire face, et aussi parce qu'on est à la fin, d'un quinquennat et on est à quelques semaines des élections présidentielles, à arrêter de distribuer des aides sans contrôle aux grandes entreprises, comme ça a été le cas tout au long de la crise sanitaire. Nous savons maintenant que les plus riches se sont enrichis pendant la crise sanitaire de façon considérable. Aujourd'hui, nous avons appris, donc ça, c'était la crise sanitaire. Là, nous sommes dans la guerre. Aujourd'hui, nous avons appris que depuis l'invasion de la Crimée en 2014 en Russie et par la Russie et les sanctions européennes de l'époque, il y a 12 pays qui ont continué, 12 pays européens sur 35, qui ont continué à vendre des armes à la Russie. Et le premier d'entre eux, c'est la France. Donc voilà, moi je crois qu'il faut qu'on se dise quand même stop aux profiteurs de la crise, stop aux profiteurs de la guerre. Voilà, moi c'est un peu le cri que j'ai envie de pousser ce soir dans cette partie un peu générale, macroéconomique. Sur la seconde partie concernant les relations entre État et collectivités, il est bien évident que les collectivités ont été durement touchées par la crise sanitaire qu'elles ont subie. Et c'est ce que dit d'ailleurs le rapport, qu'elles ont subi, notamment les villes, les zones urbaines comme où nous sommes ici. On a subi très, très durement cette situation. Et l'État s'apprête à leur demander des efforts importants de redressement. Et alors, il y a plein de choses dans ce rapport. Moi, je vous invite d'ailleurs à lire toute cette partie, enfin au-delà du conseil municipal, pour les personnes qui assistent de loin au conseil municipal et pour la population en général. Il y a vraiment des mécanismes qui sont expliqués sur le fait que comment enfin finalement tout ce qui se fait est défavorable à une collectivité comme la nôtre. Par exemple, il y a la dotation, il y a la dotation forfaitaire. Elle a diminué de 59% sur la période 2014-2017, c'est-à-dire sur le quinquennat Hollande, et ça s'est poursuivi sur le quinquennat Macron. Donc là, on est sur une diminution de 66% si on prend sur la période 2013-2022. Donc c'est quand même assez effarant. Mais bon, ça c'est un exemple, mais il y en a. Si on regarde le rapport, il y a plein d'autres exemples, il y a plein d'explications sur ces mécanismes, et je trouve que c'est tout à fait éclairant. J'en viens au choix de la municipalité de Bagnolet que nous soutenons. Il s'agit, autant que faire se peut, de poursuivre des investissements utiles à la population et écologiquement soutenables. Dans ces investissements utiles à la population, je rappelle, il y a la question des écoles qui pèse très lourdement, d'autant plus lourdement qu'il y a, on est sur un rattrapage qui est pour moi un retard historique sur cette question de la ville de Bagnolet. Dans les orientations aussi, je dis pas tout, hein, bien entendu. Si je dis pas des choses, ça veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec les choses que je ne dis pas. Mais il y a le fait de limiter le recours à l'emprunt, bien entendu, c'est très bien. Il y a le fait d'avoir, dans les outils qu'on se donne, d'aller vers une épargne nette positive en faisant à la fois des économies de gestion et une augmentation raisonnable de la fiscalité locale. Donc, bien entendu, nous partageons ces orientations. Alors, après, un point pour alimenter un peu la discussion, un point très positif et un point qui l'est beaucoup moins. Un point positif, c'est l'intérêt... Très positif, c'est l'intérêt de la dette en diminution. Moi, je voudrais vraiment, à ce sujet-là, donc c'est suite à des renégociations qui ont été faites. Et donc, je voudrais saluer à ce sujet le travail d'Olivier Taravella, notre premier adjoint aux finances et de la direction des finances, parce que le résultat est important. C'est 11 millions d'euros de marge qu'on retrouve sur l'ensemble du mandat. Donc, c'est quelque chose de tout à fait important. Un point qui est moins positif, c'est le remboursement d'une taxe d'aménagement, qui est un événement désagréable et qui doit nous servir de leçon. On ne peut pas trop compter sur cette taxe d'aménagement. C'est pas une panacée budgétaire. En conclusion, voilà, je voudrais redire notre état d'esprit, c'est de veiller à la fois à la rigueur, à une gestion rigoureuse et écologique. Et donc, je voudrais prendre un dernier exemple de quelque chose qui est devant nous, hein, qui est pas en, enfin, je ne sais pas exactement comment les choses vont se passer, mais qui est inscrit dans le PPI. C'est la question des travaux qui vont être faits à la briqueterie. Ce n'est pas rien, c'est un peu moins de 5 millions d'euros. Nous sommes favorables. Vous savez qu'on doit démolir la tribune de la briqueterie. C'est un gros chantier. Nous, pour notre part, nous sommes favorables à ce que cette démolition... ne conduisent pas à des norias de camions qui passent dans notre ville, mais qu'elles conduisent à une réutilisation sur place pour construire le collège du matériau démoli de la tribune. C'est dans une perspective, à la fois écologique et économique. C'est-à-dire, nous sommes persuadés finalement que ce qui est bien d'un point de vue écologique doit aussi nous permettre de réaliser des économies. Pareil. Nous sommes pour, bien entendu, il y a le terrain de rugby qui doit être refait. Nous souhaitons que ce soit dans une pelouse, avec une pelouse naturelle, qui est 5 fois moins chère, je crois, environ, qu'une pelouse synthétique, même repeinte en vert. Voilà. Donc, voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà, en tout cas, notre état d'esprit. Merci, Jean-Claude. Olivier. Pardon, Monsieur Vionnet. Oui, je vais être relativement bref parce que beaucoup de choses ont été dites. Et puis, de surcroît, effectivement, on débat d'un rapport d'orientation budgétaire dans un contexte international et national très particulier. Et je ne peux que souscrire à ce que Jean-Claude Oliva a dit au début de son intervention. Cela dit, sur le fond financier, moi, j'ai quand même un peu l'impression que les documents d'orientation budgétaire en 2021, en 2022, se suivent et se ressemblent au sens où on peut quand même les résumer en une mesure. En 2021, c'était la reprise de l'endettement. Et en 2022, c'est la reprise de l'augmentation des impôts. Parce qu'après, j'ai lu en détail, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments détaillés, mais l'élément marquant, c'est quand même l'augmentation des impôts. Et puis toujours quand même une absente qui est l'écologie et qui est la transition écologique. Parce que comme au début des interventions, les deux orateurs de la majorité municipale l'ont fortement exprimé dans leurs propos. Je me suis dit que j'avais eu un moment d'absence en préparant la première commission. J'ai refeuilleté en séance les éléments. La question de la transition écologique est quand même très, très faiblement mentionné dans le document. Alors, on attendra le budget pour voir les traductions budgétaires, mais elle est très faiblement mentionnée. Donc, effectivement, l'élément principal, il a été dit, j'y reviens pas, c'est l'augmentation de la taxe foncière que vous nous annoncez à plus 15% et qui est une augmentation qui n'est pas liée au contexte, notamment de crise sanitaire, etc., puisque quand on lit le document attentivement, on voit bien qu'effectivement la crise sanitaire a provoqué évidemment des baisses de recettes, mais elle a aussi provoqué des baisses de dépenses extrêmement importantes et qu'il n'y a pas de dégradation financière de ce fait-là. Ensuite, moi j'ai lu que vous affichiez quatre objectifs. Celui d'un recours modéré à l'emprunt, donc c'est joliment dit, mais c'est tout de même, vous l'estimez quand même à 10 millions par an pour chaque année du pluriannuel d'investissement. En 2022, pour l'instant, M. Tarabella l'a lui-même dit en commission, si on additionne 8 et 4, le remboursement du capital, l'intérêt de la dette, on est déjà au-delà. Mais alors, vous nous avez dit peut-être que ça s'améliorera en cours de route, donc formons-en le vœu. Mais en tout état de cause, 10 ou 12, c'est déjà un montant tout à fait conséquent, alors même, comme ça vient d'être mentionné, qu'il y a eu des renégociations dont on ne peut que se féliciter, mais que bon, toutes les villes ont fait, et vous l'avez fait, et c'est très bien, et tout le monde l'a fait, parce qu'il était de bon ton de effectivement profiter de la baisse des taux pour avoir des conditions plus favorables. Mais malgré ces renégociations, on a un poids annuel qui est très conséquent. Ensuite, le deuxième objectif que vous formulez, si je ne m'abuse, c'est de dégager de l'épargne de gestion. Ça, j'y reviendrai dans un instant, parce que je pense que ça mérite de le regarder un peu précisément. Et puis ensuite, vous avez deux objectifs d'optimisation des dépenses de gestion et d'adaptation de la masse salariale. Bon, après, je ne sais pas ce qu'il faut mettre derrière ces mots. Et on n'a pas vocation à être par principe pour l'augmentation des dépenses, mais on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, on a des agents communaux qui sont dans des situations très compliquées pour travailler. On a souvent vu les années précédentes, ou toujours vu, qu'en cours d'année, le budget était déjà largement consommé. Donc je ne sais pas très bien ce que vous mettez derrière ces mots. Alors, sur la question de l'épargne de gestion, sans être long et technique, mais quand on vous lit, on se dit, ah bah tiens, ça a l'air bien, ils en dégagent plus de 10 millions d'euros, la ville est en progrès. Sauf que, évidemment, sur ces 10,5, il y a 6 millions qui correspondent à l'augmentation des impôts. Donc, en fait, sauf erreur de ma part, vous nous proposez de dégager moins d'épargne de gestion en 2022 qu'en 2021, puisque si je ne m'abuse, on était à 6,6 millions d'euros l'an dernier, et on serait donc à 4 et quelques cette année. Et effectivement, on voit bien qu'on a en plus le poids de l'augmentation du poids de la dette, puisqu'il pèse, puisque sur le capital, il pèse 8 millions sur l'Europe de cette année, contre 6,9 l'an dernier, et là encore, malgré les circonstances favorables, de baisse des taux qui ont permis les renégociations qui ont été évoquées. Donc c'est vrai que, et d'ailleurs vous avez un tableau, si je ne m'abuse, qui montre les éléments depuis 2018, hein, ce qu'on voit dans votre tableau, et le document d'orientation budgétaire a le mérite d'être clair en la matière, hein, c'est qu'on voit qu'il y a deux choses qui augmentent depuis 2018, hein, c'est les impôts et c'est la dette, sauf une année, hein, où le poids était un peu moins important, mais sinon, tendanciellement, c'est les deux grosses augmentations. Alors effectivement, un certain nombre de communes augmentent la taxe foncière, c'est pas un monopole de Bagnolet, mais ce qui nous pose question, pour le dire pudiquement, là, c'est qu'on a quand même le sentiment que les vrais efforts de gestion n'étant pas faits, l'épargne dégagée, qui est la capacité quand même que la ville dégage à financer ses investissements n'étant pas fait, bon, ben, il y a un peu les deux solutions de facilité qui sont la dette et l'impôt. Hein. Et tout cela, dans un contexte où on voit tout de même assez peu la rupture en matière de transition écologique. Je l'ai dit au début, je le redéveloppe pas. Alors, on peut approuver ponctuellement des mesures. Par exemple, j'approuve totalement la proposition que Jean-Claude vient de faire, que les interventions sur la tribune de la briqueterie, que la démolition soit recyclée dans la construction du collège. Mais en tout état de cause, moi, je n'ai pas lu dans le document que vous nous avez transmis une rupture importante en matière de transition écologique sur cette ville. Merci. Merci. Olivier. Alors, oui, beaucoup de choses dans ce que vous avez pu dire. Je commencerai peut-être par rassurer rapidement Jean-Claude, sur la taxe d'aménagement, évidemment, on est face à une situation exceptionnelle qui est liée à la magnitude du projet concerné. Mais la loi de finances pour 2021 a modifié les modalités de versement de la taxe d'aménagement qui font que désormais, elle est versée à la livraison des opérations, ce qui fait que la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui ne pourra plus à l'avenir se reproduire. Et donc, ce qui pouvait être une réserve, effectivement, sur la taxe d'aménagement, est levé par cette évolution législative. Elle pose d'autres problèmes, mais en tout cas, ce problème-là, lui, n'existera plus. Sur la situation en Ukraine, évidemment, c'est très, très difficile, vous en doutez, vous l'avez dit vous-même, d'imaginer comment les choses peuvent tourner. Il y a une tension très forte sur un certain nombre de matières premières, sur les matières agricoles. Pas plus tard qu'hier soir, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur de 0,25 points pour la première fois depuis 2018. Donc il se passe des choses, ça a des incidences sur l'inflation, ça a des incidences sur les taux d'intérêt, sur notamment la partie de la dette. Donc tout ça, c'est très volatile. Et pas plus aujourd'hui que dans 15 jours sur le budget, on sera en capacité vraiment d'avoir une perception fine de cette question. Je le dis pour lever tout suspense sur le débat qu'on aura sur le budget primitif, mais on ne sera pas beaucoup plus avancé dans l'appréciation du sujet à ce moment-là qu'on ne l'est aujourd'hui. Pour autant, on a quand même intégré dans le budget primitif un certain nombre d'éléments. Par exemple, sur les fluides, on a d'ores et déjà intégré 43% d'augmentation sur l'électricité, par exemple, pour tenir compte de ce qu'est la réalité du marché, pour ce qui est évidemment de la ville qui n'est pas protégée par les tarifs réglementés. De la même manière, sur la SDCB, on anticipe que le prix du chauffage va augmenter parce qu'au-delà de la part biomasse en période hivernale, le complément se fait avec le gaz et que le prix du gaz, vous le savez, a explosé depuis un an. Donc ça a été intégré dans le budget. Donc on a quand même une anticipation de certains surcoûts qui vont être induits par la situation internationale. Sur les tarifs municipaux, Monsieur le maire vous a répondu tout à l'heure, donc je ne développe pas. Sur les services publics, je ne peux pas être d'accord avec vous, monsieur Jamais. La maîtrise de la masse salariale, c'est pas, elle ne se traduit pas, ou même la baisse de la masse salariale, elle ne se traduit pas forcément par une baisse de services publics. J'ai pris l'exemple tout à l'heure des surcoûts qui ont été induits par la période Covid, quand il a fallu remplacer au pied levé tous les jours des ATSEM, des agents d'entretien, parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils étaient cas contact Covid, parce qu'ils étaient personnes en autorisation spéciale d'absence, parce que leur situation de santé ne permettait pas de les mettre face au public. Il a fallu les remplacer, il a fallu faire des recrutements, il a fallu augmenter les vacations, les taux d'encadrement ont été renforcés. Et donc ça, c'est 500 000 euros de surcoût. Si on sort de la période Covid, cette dépense, elle a vocation à disparaître. Donc, mécaniquement, vous allez faire baisser la dépense. Est-ce qu'elle se traduit par un moins de services publics ? Non, elle se traduit par un retour à une gestion normale. Et ça, ça ne peut pas être un point de lecture. Il n'y a pas de baisse de services publics par ailleurs, hors masse salariale. Vous allez même voir une augmentation des chapitres qui correspond aux dépenses de fonctionnement hors masse salariale, de près d'1,5 million d'euros entre 2021 et 2022, parce qu'on revient, comme vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, à l'étiage de 2019, parce que les actions ont vocation à se poursuivre, à revenir. On va remettre Bage aux plages au budget cette année, qu'on n'a pas eu depuis 2 ans en raison de l'arrêt de crise sanitaire. On espère que les conditions feront qu'on pourra la tenir l'été prochain, mais ça, c'est prévu. C'est quand même 150 000 euros, hein, ce n'est pas une petite opération. Alors certes, ces dépenses, vous l'avez dit, elles ont disparu pendant 2 ans, mais elles sont minimes par rapport à ce que représente la masse salariale. Vous le savez, vous avez été en responsabilité. Les actions qu'on annule, les petites actions culturelles, DGVSQ, c'est quelques 5 000, 10 000, 15 000 euros. Par rapport à l'équivalent de 2, 3 millions d'euros de masse salariale, évidemment, ça pèse peu. Et ces dépenses-là, elles se sont poursuivies pendant la période. Par contre, les recettes, on n'est pas sûr qu'elles reviennent tout de suite. Je prends la taxe de séjour, les économies s'ouvrent à nouveau. Il y a un tourisme interne à l'Union européenne qui repart. Le tourisme en provenance d'Asie, je pense qu'il ne va pas repartir tout de suite, en tout cas pas dans les proportions qu'on a pu connaître. Idem pour le tourisme en provenance d'Amérique. Or, c'est beaucoup des tours opérateurs asiatiques qui faisaient aussi tourner les hôtels de Bagnolet, vous le savez comme moi. Et donc, on ne va pas retrouver tout de suite nos niveaux de taxes de séjour. Donc ça va être durable. Et donc, on va avoir des dépenses qui sont durables et des recettes qui ne vont pas revenir tout de suite. Ça, c'est quelque chose à garder en tête. Sur les droits de mutation, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous non plus. Vous pensez que c'est des évaluations qui sont un peu trop optimistes. La période Covid a généré chez un certain nombre de Parisiens, notamment, on le voit, des recherches de surfaces supplémentaires, de pavillons, et a généré une très forte activité sur les marchés immobiliers, notamment dans des communes au profil comme les nôtres. Et on a bien vu exploser ces opérations sur les années 2021 et probablement 2022. Et donc, on pense légitimement que crise ukrainienne ou pas crise ukrainienne, les personnes qui cherchent des surfaces supplémentaires et un petit carré de jardin vont continuer de le chercher, si elles ne sont pas évidemment mises en difficulté par une situation personnelle, économique. Donc, on pense que c'est une estimation qui est raisonnable et qui est assise d'ailleurs sur les estimations nationales. Sur les emprunts Deutsche Bank, effectivement, l'échéance est à 10 ans, mais on est en échange avec la Deutsche Bank d'ores et déjà pour essayer de trouver une sortie. L'idée, c'est évidemment de revenir sur un produit financier plus classique, avec un amortissement dans le temps, linéaire, qui soit plus facile à piloter et qui ne mette pas la collectivité face à un mur de remboursement en 31, 33, 35. Mais comme on a le temps, on prend le temps aussi de le faire correctement. C'est-à-dire qu'on va présenter évidemment tout ce qu'on va présenter ici à nos partenaires. On va leur montrer ce qu'on souhaite faire sur la mandature. Et on va leur demander de nous accompagner, notamment en faisant un effort sur le réaménagement de ces prêts. Donc ça, on aura l'occasion, évidemment, de vous tenir au courant. Sur l'écologie, je rappelle que Monsieur Viennet, d'ailleurs, nous a écrit sur les décisions du maire pour nous demander des précisions sur les subventions. Dans les subventions, il y a notamment des subventions sur la rénovation thermique des bâtiments. Donc c'est bien la preuve que on fait des choses, vous avez pu le constater par vous-même. Par ailleurs, le travail fait sur les mobilités douces, sur la végétalisation, sur la réappropriation d'espaces publics, c'est des travaux qui participent, c'est la part de la ville pour la transition écologique. Évidemment, elle est moins visible que d'autres opérations. On ne va pas construire à Bagnolet des éoliennes ou une centrale de petit nucléaire, par exemple, pour ceux que ça intéresse. Mais Mais évidemment, chacun prend sa part et au niveau communal, on prend notre part. Sur l'épargne de gestion et la dette, je rappelle, la dette, le montant de la dette, ce n'est pas le déterminant principal. C'est, je ne pourrais pas expliquer, par exemple, que les Japonais vivent moins bien que les Grecs, alors qu'ils ont relativement deux fois plus d'endettement. La question, c'est est-ce que vous êtes en capacité, sans vous serrer la ceinture de manière excessive, de rembourser ce que vous coûte la dette ? C'est ça le sujet. Sur ce point-là, nos ratios s'améliorent. C'est une réalité et on aura l'occasion, quand on présentera le compte administratif, de montrer que sur un certain nombre de ratios financiers d'endettement, on est retourné sur la moyenne des communes de la strate. C'était quand même pas gagné il y a quelques années. Le poids de la dette, vous avez dit qu'il est passé de 6,9 à 8,1 millions entre 2021 et 2022. En fait, il ne faut pas oublier que, par souci de bonne gestion, quand on inscrit 12,4 millions de besoins de dette supplémentaire au budget, on projette les conséquences de la levée de la totalité de ce capital sur le besoin de remboursement. C'est ça qui explique l'augmentation affichée. Mais si on a besoin dans l'année, finalement, de lever moins de dettes que ce qu'on avait prévu initialement, ça a aussi un impact sur le remboursement. Et donc, en fait, on fait simplement de la bonne gestion en projetant dans la construction budgétaire la conséquence maximaliste si on levait la totalité de l'emprunt projeté de ce que ça induit en termes de remboursement. Donc, c'est parfaitement normal qu'entre l'exécution 21 et ce qu'on est en train de présenter en 22 en primitif, il y ait cet écart. Et vous le retrouverez si vous faites le même exercice sur les années précédentes. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des points que vous avez soulevés. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres interventions ? Donc, je vous propose de passer aux voix. Monsieur Vionnet, allez-y. C'est une remarque, j'ai écouté attentivement les réponses de Monsieur Tarabella, mais il n'en demeure pas moins que sur un sujet que vous-même vous présentez comme un des objectifs principaux qui est l'épargne que dégage la mairie. Aujourd'hui, l'augmentation de cette épargne brute, elle vient de la hausse des impôts. C'est pas une opinion, c'est pas une attaque, c'est factuel, je lis vos chiffres. C'est tout. Vas-y. Mais en fait, personne ne nie cet état de fait. À un moment donné, dans la présentation que j'ai faite dans mon intervention liminaire, j'ai présenté le contexte dans lequel on était. Il y a un contexte de long terme sur les ressources de l'État et l'autonomie financière fiscale. Il y a un contexte de court terme sur la situation internationale. Et ça crée un étau entre ce qu'on a besoin de dépenser et ce que l'on a comme recette. Et donc forcément, il y a deux solutions. Soit on augmente les recettes, soit on baisse les dépenses. Si on baisse les dépenses, M. Jamais va dire qu'on réduit les services publics. Donc il faut aussi que vous régliez entre vous la perception que vous pouvez avoir de la bonne gestion. On le fait, parce qu'en fait, on optimise. Mais optimiser, ça ne veut pas dire baisser le service public rendu à l'usager. Et puis, il y a la question des recettes. Et sur les recettes, il n'y a pas que la fiscalité. Il y a aussi les projections sur les recettes nouvelles de subventions. Aujourd'hui, on a un PPI qui est déjà à 25% de cofinancement, ce qui est plutôt pas mal pour un PPI qui vient seulement d'être présenté. Le travail qu'on a fait sur l'ANRU, je rappelle qu'on était sur 30% de cofinancement de l'ANRU en l'ANRU 1. Là, on est à quasiment 85% pour Pêche d'Or. On est à 70% sur le gymnase Maurice Baquet. On est à 50% sur la dalle de Lannou et sur la dalle Torres. On est plutôt sur des taux élevés de cofinancement. Et on a l'ambition sur d'autres projets sur lesquels on a déposé les décisions du maire que vous avez vues. Je pense que vous pouvez nous donner crédit quand même qu'on va chercher les subventions, d'obtenir des taux de financement qui sont ceux-là. Et donc si sur tous ces projets du PPI, à la fin, on obtient des cofinancements de l'État, évidemment, le montant d'emprunt nécessaire pour équilibrer l'ensemble de la prospective, il va baisser. Mais à ce stade, pour des raisons évidemment de sincérité budgétaire, on ne présente pas des recettes qui ne sont pas encore là, on présente ce qui est nécessaire pour assurer cet équilibre. Et comme vous le savez, quand on construit la section d'investissement, c'est l'autorisation d'emprunt. Je propose de passer aux voix. Qui est pour approuver ce ROB ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est approuvé. Je vous remercie. Délibération 10, charte locale de relogement NPNRU, Lannou les Malassis. Mamadou. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues. Oui, donc, dans le cadre du NPNRU Lannou Malassis, Et suite au comité d'engagement de l'ANRU, sur la dalle Thorez, on prévoit une démolition des immeubles, notamment le 18 Curie et le 40 Curie. Donc la charte locale respecte bien évidemment les principes de la charte territoriale d'Est Ensemble concernant les relogements des ménages qui sont concernés par ces démolitions. L'OPH a d'ores et déjà missionné une mousse et ils ont commencé les enquêtes sociales pour les ménages qui sont concernés. Voilà en gros ce qui va se passer. C'est le cabinet Lefrène qui travaille pour le compte de l'OPH. Monsieur Vionnet. Oui, alors, je suis un peu mal à l'aise en prenant connaissance de cette charte de relogement. Pas sur le contenu de la charte qui est assez classique des chartes de relogement dans les dossiers de démolition en rue, mais parce que j'ai eu l'impression que c'était à travers cette charte qu'on apprenait l'officialisation de la démolition de la Touranda, des 85 logements de ce bâtiment, puisque le 18 Curie, on en parle depuis un certain temps, sauf à ce que ma mémoire défaille, il me semble qu'on a parlé plusieurs fois de ce feuilleton, puisqu'on se souvient que vous aviez dans un premier temps évoqué auprès des habitants la démolition du 18 et la démolition d'immeubles qui sont au sud de la rue Pierre et Marie Curie, en nous expliquant que ça venait de l'ANRU. On a ensuite eu à la fois de fortes protestations des locataires de ces immeubles-là, et puis on avait appris par la bande, par un compte-rendu de comité d'engagement de l'ANRU, que l'ANRU jugeait ces démolitions peu pertinentes. Et vous nous aviez donc expliqué, si mes souvenirs sont bons, que l'ANRU demandait la démolition de la Touranda. À ma connaissance, il y a eu une réunion avec les locataires. Alors vous allez peut-être me dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Peut-être deux. Vous allez me dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions, mais il y a des fois un peu de sidération face à une telle annonce. Parce qu'à ma connaissance, depuis bien longtemps, il peut y avoir dans les dossiers en rue successifs des questionnements sur des démolitions de bâtiments, mais je crois qu'il n'y en a jamais eu sur la démolition de la Touranda. Donc là, on a appris que vous l'avez fait valider en conseil d'administration de l'OPH, je crois, cette semaine. Mais on a quand même le sentiment qu'on découvre formellement cette décision à travers la charte de relogement, alors que c'est quand même une décision assez lourde sur un bâtiment qui, à ma connaissance, est un bâtiment qui est techniquement sain, alors qu'il a son âge, comme tous les bâtiments de ce quartier, mais qui est quand même techniquement sain. Et donc c'est vrai qu'il nous semble quand même que cette démolition pose au moins un double problème. Elle pose tout d'abord un problème de logement social, parce que là, si j'ai bien lu la charte de relogement, les relogements vont être effectués dans des bâtiments dont la construction est déjà en cours, notamment rue Sadi Carnot, ainsi que dans des réhabilitations programmées, mais pas dans de nouvelles opérations de logement social à lancer. Donc cette démolition de 85 logements, elle est bien à ce jour une perte nette de logements sociaux. Ça pose aussi, je ne reviendrai pas sur les propos qu'a tenus Jean-Claude Oliva tout à l'heure, mais ça pose quand même un manifeste problème écologique. Il y a tout de même une loi dans ce pays qui a été votée récemment, la loi Climat et Résilience, qui affiche fortement la priorité à accorder à la réhabilitation sur la démolition-reconstruction. Nos voisins de Paris, qui me semble sont vos amis politiques, sont en train de préparer ce qu'ils appellent un PLU bioclimatique, où ils ont comme intention de rendre très compliquée la démolition et de très fortement prioriser la démolition. Et là, donc, on continue... La réhabilitation. Merci. Et donc là, on continue sur une mécanique où on démolit des immeubles. Je pense que c'est marginalement aussi un problème un peu financier, parce qu'effectivement, vous allez sans doute m'expliquer, parce que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, que le bâtiment va très mal. Mais je n'ai pas le souvenir que ce soit un bâtiment qui techniquement, ne soit pas un bâtiment, sain. Et c'était plutôt dans la construction d'ensemble des bâtiments, parce qu'il y a des bâtiments, notamment les premiers construits, qui étaient sur des procédés industriels qui ont, pour certains, mal vieilli. C'était plutôt un des bâtiments de meilleure qualité de construction de l'ensemble du quartier. Donc voilà. Plusieurs remarques. D'abord, on a organisé deux réunions de concertation avec les riverains concernant ces sujets. Il me semble que certains d'entre vous étaient présents à cette réunion. On a effectivement présenté le dispositif en conseil d'administration de l'OPH. On en a discuté longuement en réunion de quartier. Et il me semble qu'on en a également discuté ici au sein de ce conseil municipal, sachant qu'on n'est pas encore arrivé au stade où on va... approuver la convention avec l'ANRU. Je rappelle quelques éléments. Lorsqu'on a connu la mobilisation concernant la démolition du BA8, j'ai eu l'occasion de dire que le risque que l'on courait, c'était que l'ANRU demande de démolir davantage. Au moins, donnez-moi acte de ces propos que j'ai tenus au conseil municipal, que j'ai tenus en conseil d'administration de l'office et que j'ai tenus devant les habitants du quartier avant les vacances en pied d'immeuble. Et c'est ce qui est arrivé, puisque je rappelle que l'ANRU nous a écrit de manière très précise que la démolition... des 22 logements du BA8 au 37-45 Curie n'était pas jugé indispensable à la réalisation du projet, mais qu'en revanche, la démolition de la tour D2 l'était, pour des questions d'aménagement, pour des raisons de vétusté. Donc c'est ce qu'effectivement, on a soumis à l'ANRU, dans le cadre d'un comité d'engagement mandat, comme on l'appelle, hein, qui s'est tenu il y a maintenant environ 2 à 3 semaines. Et j'ai eu l'occasion d'échanger aujourd'hui avec la directrice générale de l'ANRU, qui m'a confirmé que les principales orientations du projet de Bagnolet étaient validées, que les membres du conseil d'administration de l'ANRU accordaient, on peut le dire, pas toujours qu'on s'auto-félicite, mais un satisfecit au dossier qui avait été... soumis par la ville de Bagnolet, que ce soit en termes d'aménagement, que ce soit en termes de suivi des prescriptions, effectivement, de démolition. On nous demandait de démolir la tour D2, c'est ce qui sera fait, avec la validation de la démolition de la Tal Torres, avec un taux de financement global, un taux majoré de 50%, avec... une demande qui n'était pas retenue jusqu'ici, qui est la démolition-reconstruction du parking de l'OPH du 35 Lénine avec l'entrée du parc du 19 mars, avec la validation des aménagements concernant l'anneau hors voirie, considéré comme voirie périphérique. Donc voilà, donc globalement, ce projet a été validé. L'avis est en cours de rédaction. Il nous sera transmis dans les semaines qui viennent. Je rappelle que aujourd'hui démarre la période de réserve des services de l'État. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, bon, j'entends ce que vous dites sur la tour D2. Effectivement, c'est un travail supplémentaire pour la ville de Bagnolet et pour l'OPH de Bagnolet. 85 relogements qui n'étaient pas programmés. En lieu et place des 40 plus 22, c'est pas la même chose. Les familles sont prioritaires sur les constructions neuves, sur celle qui a été livrée dans le cadre de l'opération Kaufmann & Broad, rue Sadi Carnot, et sur celle qui va l'être, puisqu'elle n'est pas encore livrée, puisque les travaux n'ont pas encore été réceptionnés à l'angle Moulin-Sadi Carnot. Le cabinet Lefrène a commencé à recevoir les familles, et a reçu quasiment toutes les familles du 18 Curie. Les familles du 18 Curie souhaitent essentiellement soit aller sur l'opération Moulin du Moulin, soit rester dans le quartier des Malassis. Elles ne souhaitent pas aller sur l'opération Kaufmann & Broad, rue Sadi Carnot, Francisco Ferrer. Donc voilà, le travail se poursuit. Mais effectivement, à un moment donné, on ne peut pas dire vous ne faites rien, vous n'agissez pas, vous ne travaillez pas, et puis vous démolissez. Parce que, si vous voulez, là, on est en train de reloger, on va être amené à reloger deux ou trois familles du BA8 qui s'étaient manifestées pour le projet de démolition et qui aujourd'hui disent que ça devient pénible pour elles d'habiter au BA8. Après, les situations sont différentes. Effectivement, aux 40 Curie, il y a beaucoup de familles, nombreuses, qui vivent dans de petits logements. Au BA8, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de familles, de couples, parfois âgés, hein. Ça arrivait à mes parents, donc voilà. Mais il y a beaucoup de couples âgés qui vivent dans de très grands logements. Donc vous voyez, ça, c'est la quadrature du cercle. C'est que ce n'est pas 85 personnes qu'il va falloir reloger issues du 40 Curie, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Et il va falloir travailler sur des dispositifs d'éco-habitation. Donc on a sollicité l'État. La préfecture ne nous met pas à disposition beaucoup de logements pour l'instant, c'est regrettable. On a sollicité Action Logement, c'est la même chose. Et voilà, c'est une vraie difficulté pour nous, mais je pense que c'est une bonne chose qu'enfin notre projet autour du secteur Thorez soit validé. Et je ne vous referai pas le film des épisodes précédents. Je rappelle qu'on parle de la démolition de la dalle Thorez depuis 2001. Et les opérations de renouvellement urbain. Donc ça date un peu, ça va nous permettre de reconstruire la piscine, de reconstruire le conservatoire, de reconstruire un centre de quartier, de réhabiliter le gymnase Boris Baquet. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et oui, c'est jamais facile d'avoir à démolir un bâtiment où on a 85 familles. Et pour un certain nombre d'entre nous, la Tour Ronda, c'est aussi notre histoire. Je vois André Barioli qui est là depuis longtemps. J'en vois d'autres. Voilà, donc ce quartier-là, c'est Jean-Philippe Carlin était tout à l'heure dans la tribune, il nous a quittés. Voilà, c'est aussi une partie de notre vie. Voilà ce que je pouvais vous dire. Monsieur Jamais. J'appuie systématiquement sur le mauvais bouton. Non, mais pour redire, parce que c'est vrai que je pense que notre intervention, c'était à la fois pour une suite sur ce dossier. Et c'est vrai que Pierre a raison de dire que formellement, autour de cette table, hormis effectivement ce que vous avez évoqué sur les réunions que vous avez organisé dans le quartier et au conseil d'administration de l'Office, il n'y avait pas eu de validation. On en a parlé longuement au conseil. On en a parlé longuement, mais à l'époque, nous étions encore sur des hypothèses et nous n'avions pas validé les choses. C'est vrai. Donc voilà, mais il n'y a pas de problème. On saisit l'occasion pour appuyer là-dessus. Après, nous, on joue notre rôle d'opposition en vous disant un certain nombre de choses régulièrement, mais dans nos interventions, et en particulier sur ce sujet, nous sommes régulièrement intervenus aussi pour dire que ce que nous mettions en cause, c'était les stratégies que l'ANRU déployait. Dans un moment, Pierre a évoqué la question écologique, mais aussi la question de moyens. Et évidemment, moi, je vais appuyer sur ce que vous avez dit, sur la difficulté qu'il y a à reloger dans cette situation, avec plus de locataires, avec effectivement les particularités de cette tour que nous connaissons bien, avec un certain nombre de petits logements. Et les petits logements jouent aussi un rôle important, social, etc. Solène Le Bourri soufflait à un moment donné que sur Kaufmann, personne ne souhaite y aller. Ben évidemment, la question du coût des loyers de sortie doit être évidemment exorbitant pour des familles du 40, dans un cadre quand même où la pression foncière se fait de plus en plus dure et il est de plus en plus difficile de se loger dans notre ville, mais aussi évidemment dans toute la région Île-de-France. Voilà, c'est ça que nous interrogeons et nous continuerons à interroger. J'entends vos arguments, je souscris à un certain nombre d'entre eux, voyez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous continuons à interroger la logique politique qui convient à détruire des logements qui pourraient être réhabilités. Voilà, je pense que voilà, et je pense que ça, on peut en être d'accord. Après, nous, on dit voilà, il faut agir là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas voilà, on s'est affronté sur l'histoire des immeubles de la rue Pierre-Curie. J'ai pris le temps, moi, parce que j'aime bien vraiment le faire. C'est-à-dire que j'ai rencontré les locataires de la barre, on a rencontré les habitants de la tour, ce que j'ai même évoqué la dernière fois. Il y a des gens qui vivent bien dans cet immeuble. Il y a effectivement, c'est un indice comme ça, c'est dans le monde HLM, on dit lorsqu'il y a des plantes aux étages, etc. Ce que je constate aussi, c'est que les réunions auxquelles des amis, des collègues ont participé, les gens, sont plutôt dans l'idée de partir. Ça, c'est évident. Ça me semble être effectivement. Il faudra peut-être donner d'ailleurs ce qui est les éléments de l'enquête auprès des locataires. Je pense que tout le monde s'est donné à l'idée de quitter son logement. Donc on sera évidemment à l'écoute de tout le monde encore jusqu'au bout. Mais voilà, je sais que vous avez évoqué cet attachement à cette tour du point de vue elle joue encore aujourd'hui un vrai rôle. Elle aurait pu continuer à jouer un vrai rôle. Et vraiment, et je vais le dire la dernière fois, c'est évidemment cette logique-là qui, moi, me paraît contestable et jusqu'au bout. C'est exactement ce qu'on a dit à l'État, au comité d'engagement au mois de juillet. C'est que cette tour comprenait de nombreux petits logements et que c'était un vrai sujet de la démolir. C'est une réalité. Il y a beaucoup de petits logements aux 40 curés. Monsieur Vionnet. Juste me permettre d'ajouter une chose. Vous avez fini, conclu sur la partie un peu humaine des relogements. Je pense qu'on est quand même tous conscients que dans les processus d'aménagement ou d'urbanisme, la chose la plus traumatisante, c'est quand même la démolition de logements sociaux. Parce que c'est quand même des choses très traumatisantes pour les gens, pour les habitants. Et on sait aussi que quelquefois, il y a dans le mouvement des, entre guillemets, pour employer un vilain mot, des démolitions qui passent, qu'il n'y a pas de soulèvement populaire. Et puis, des années après, on entend les habitants dire que finalement, ils ne sont pas très contents du relogement, qu'ils se trouvaient très bien où ils étaient, même s'ils attendaient des travaux de réhabilitation, etc. Donc c'est quand même une décision très grave. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'y compris en vous écoutant attentivement, je n'entends pas, au-delà de l'ANRU l'a demandé, je n'entends pas de vraies raisons qui emporterait la conviction parce que je ne sais quel plan d'urbanisme fonctionnerait infiniment mieux sans, etc., ou des raisons techniques, etc. Et donc, je peux que redire une chose, je crois qu'on vous a déjà dit ici, là, pour le coup, on peut souvent jouer notre rôle d'opposition et être critique, mais si on devait aller avec vous défendre l'opposition à des l'opposition à des démolitions infondées, on l'a déjà dit ici, mais on le ferait bien volontiers. Parce que quand même, cette question n'est pas une question bagnoletaise. La question des frictions entre l'ANRU et les communes sur la démolition, elle se passe, y compris en ce moment, dans des dizaines de communes. Et beaucoup à Est-Ensemble. Et il y a quand même un certain nombre de... Ça démolit beaucoup à Est-Ensemble. Oui, je sais. Mais il y a quand même en France un certain nombre de maires. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas été simple, qu'il n'y a pas eu des rapports de force un peu compliqués, qu'il n'y a pas eu des bras de fer qui, des fois, ont duré. Mais il y a un certain nombre de maires qui ont dit à l'ANRU, je considère que ce que vous me demandez est inacceptable. Et moi, ce qui me gêne un peu en vous entendant, parce que je vous accorde crédit de dire les choses avec un peu de simplicité et de clarté sur cette question, mais c'est qu'en même temps, dans la même phrase, vous dites que vous ne le portez pas vraiment et que c'est plutôt une demande de l'ANRU, mais vous vous réjouissez que l'ANRU vous accorde un satisfecit. Moi, je préférerais qu'on aille tous ensemble dire à l'ANRU, franchement, au-delà de nos différences politiques, on considère que c'est une très mauvaise idée de démolir la tour Honda. Si vous voulez, moi, il y a des élus, membres de votre groupe, qui m'ont expliqué que l'ANRU, c'était mal. Je mets des guillemets, l'ANRU, c'est mal. D'accord ? Donc, à un moment donné, soit on porte des projets devant l'ANRU, devant les financeurs, et on nous dit, on se retrousse les manches, et on va défendre des projets, parce qu'à un moment donné... je me souviens aussi qu'un certain nombre d'entre vous étaient contre la démolition de la dalle Thorez. Si vous voulez, si on refait les scénarios, certains étaient contre la démolition de la dalle Thorez. Voilà. Nous, on était pour la démolition de la dalle Thorez. On a concerté longuement. Et voilà, parce qu'on pense qu'il y a un vrai projet d'aménagement sur le secteur. Je rappelle quand même que le secteur Thorez était dans le PRU 1, voté à l'unanimité du conseil municipal en 2008 et signé en 2009, et que le secteur a été sorti parce que la ville a mis 0 euros, était en capacité de mettre 0 euros. Enfin, c'est ça la réalité. Donc à un moment donné, soit on dit on y va et on y va, soit on dit aux habitants on n'y va pas. On n'y va pas. Donc nous, on a pris l'engagement d'avancer sur ce projet. Alors oui, notre choix initial, mon choix initial, c'était de réhabiliter le 40 Curie. C'est clair. C'est ce qu'on a porté dans le premier document qu'on a transmis. À un moment donné, l'État dit il faut la démolir, sinon vous aurez peanuts. Et sinon, en gros, on ne portera pas la démolition de la dalle. Enfin, c'est ça qui est écrit entre les lignes du rapport du comité d'engagement du mois de juillet dernier. C'est en gros, la démolition de la tour Honda est un élément incontournable de la réussite du projet de démolition de dalle Thorez. Donc voilà, donc on en tire les conséquences et on fait ce choix-là, même si ce n'est pas un choix idéal. Mais en attendant, l'objectif, c'est de pouvoir transformer ce quartier qu'il mérite. Et si vous me permettez, je rajouterais quand même que l'ANRU nous a quand même plus que soufflé l'idée de construire davantage, notamment dans le quartier, de densifier le quartier, de densifier le secteur. Ils nous l'ont redit encore dans le cadre de réunions techniques ces dernières semaines. Donc, on a un moratoire sur les projets immobiliers privés. Il ne faut pas démolir, il faut construire, il faut loger. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir trouver un certain équilibre, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres... Mamadou? Non, juste, je voulais préciser quelques petites précisions, ou je ne sais plus ce qu'a dit M. Jamais ou M. Jeunet, sur les déménagements qui seraient aux frais des habitants, enfin des concernés. Il y a une enveloppe qui est prévue, si vous avez lu la charte, de un forfait de 4 500 euros pour les déménagements. Donc, parce que j'ai dit... Ah, mais je ne sais pas. J'ai évoqué le fait que les loyers... Aux sorties, notamment Bruxelles Licarno, l'opération Kaufmann et Broad, c'est évidemment des loyers qui sont bien plus élevés que ce que payent aujourd'hui les locataires aux 40 rue Pierre-Curie. Je pense que vous me l'accordez. Ok, ouais, mais justement, sur ça aussi, il y a quand même une parenthèse. En fait, il y a un forfait en fonction de la typologie du logement qui est financé soit par l'ANRU ou par les OPH, pour que le loyer reste toujours pareil pour les locataires. En fait, donc, ça ne change pas en réalité. Et l'autre chose, c'était quoi? La deuxième chose, c'était sur les enquêtes sociales. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on attende que les enquêtes sociales soient terminées sur le 40 Curie. Je l'interromps, parce qu'en fait, là, les enquêtes sociales qui se terminent concernent le 18 Curie. Voilà. Ils n'ont pas démarré encore sur le 40, pardon. C'était ça, excuse-moi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc, je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Délibération suivante. adhésion à l'expérimentation équipe ADIP, développement harmonisé du dispositif des microstructures médicales addiction en Île-de-France. Grégoire. Oui, merci Monsieur le maire. Si ça vous va, je fais les trois délibérations qui concernent la santé. Allez, dans une démonstration qui vise à démontrer l'engagement de la municipalité dans le développement des services publics en santé et dans l'innovation dans l'accompagnement des patients en santé. Tout d'abord, la délibération sur le financement des PMI et du Centre de planification et d'éducation familiale montre la force de l'offre de soins grâce aux services publics sur notre territoire et à Bagnolet, qui est complété notamment avec le Centre municipal de santé, le Centre dentaire de santé. Mais cette offre de soins de PMI et de Centre de planification et d'éducation familiale, ce sont des lieux extrêmement importants dans l'offre publique de santé, avec pour la PMI, plus de la moitié des enfants qui naissent à Bagnolet qui sont suivis dans ces PMI à travers des consultations de puériculture, des consultations médicales, soit pour les enfants, soit pour les femmes, des consultations de psychologues pour accompagner l'enfant autour du développement du langage, des apprentissages, du sommeil, et également des consultations de psychomotricité. Donc on voit la richesse de l'offre au sein de ces PMI. Et on a également, donc, dans le Centre de planification et d'éducation familiale, de nombreuses consultations, à la fois des consultations relatives à l'interruption volontaire de grossesse, mais également des consultations liées aux violences conjugales. Donc une offre de soins extrêmement importante. La deuxième délibération, qui est la délibération pour adhérer à la microstructure Équipe Addict, montre la volonté aussi de la municipalité de participer aux innovations en termes d'offres de soins pour rendre vivante cette offre publique de santé, avec donc la participation à une expérimentation au niveau de la région Île-de-France pour faire bénéficier aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais d'un accompagnement travailleurs sociaux et de psychologues et d'un médecin pour la prise en charge des addictions. Donc addiction à la fois de produits licites ou illicites et addiction liée notamment également aux écrans ou à tout type d'addiction. Donc le repérage se fait au sein du centre municipal de santé et ensuite est proposé un accompagnement d'un psychologue et d'un travailleur social par l'association PROSE. Et ça montre également, la tradition du travail qui a été mené avec l'association PROSE depuis de longues années, qui est poursuivi avec cette coopération encore plus forte par la mise à disposition donc de travailleurs sociaux et de psychologues au sein du centre municipal de santé pour accompagner les Bagnoletaises et les Bagnoletais. Et enfin, dernière délibération qui montre également la mobilisation de la municipalité pour trouver des financements, pour financer des politiques de santé qui viennent et de prévention, qui viennent compléter les dispositifs nationaux, donc notamment sur la prévention bucco-dentaire. Il y a des dispositifs, notamment les dispositifs MT-Dents. Et là, l'idée, c'est de compléter ces dispositifs à travers la prévention dans les écoles aux âges où les dispositifs nationaux ne permettent pas d'avoir cette prévention. Et donc, il y a plus de 1000 élèves qui bénéficient de la prévention bucco-dentaire, donc en grande section, notamment CP. Et on a donc plus de 1000 élèves de Bagnolet qui bénéficient tous les ans de cette prévention. Voilà, je vous remercie, Monsieur le maire. Merci, Grégoire. Des remarques? Pas de remarques? Délibération 11, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération 12, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération 13, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération 14, octroi d'un soutien financier à l'Ukraine via le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales. Daouda. Merci, Monsieur le maire. Appel à la paix et solidarité avec le peuple ukrainien. Depuis le 24 février 2022 dernier, au cœur de l'Europe, le gouvernement de Russie a décidé... Non, ça, c'est le vœu. Tu peux présenter la délibération avant, s'il te plaît. Tu présenterai le vœu après. Délib 14. Bon, effectivement, par rapport à ce conflit, on est vraiment confronté à beaucoup de problèmes. Et cela est beaucoup embêtant pour le monde entier, surtout pour nous qui sommes ici en Europe. C'est compliqué. On n'aurait jamais cru à une telle guerre au XXIe siècle. Donc, je pense que tout le monde est débordé. Personne ne sait plus que faire. Et par rapport à ça, je pense que la ville de Bangui nous a été toujours solidaire avec les uns et les autres, avec les réfugiés. Mais je pense aussi que le gouvernement français doit nous aider aussi, doit aider toute la population à faire face à ces problèmes, aux inconvénients, surtout sur le problème énergétique qui est très lié et c'est très important. Voilà. Merci, Daouda. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, Monsieur Vionnet? Oui, notre groupe votera évidemment cette délibération et je pense que le vœu permettra de revenir sur le sujet de fond. Mais en fait, je voudrais qu'on termine par le vœu plutôt que par votre question orale. Non, c'est pour ça que je propose de passer aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Donc, je vous propose de passer à la question orale de votre groupe et ensuite, on passera au vœu. Allez-y. Je suis d'accord avec l'ordre que vous proposez. Donc, voilà une question orale qu'on voulait vous poser concernant la situation que nous avons appris concernant la situation à l'EHPAD Les Quatre Saisons. Donc, Victor Castanet, dans son ouvrage Les Fossoyeurs, a récemment mis en lumière le traitement indigne infligé à nos aînés et le cynisme avec lequel les géants du secteur de la dépendance, Orpea en tête, exploitent le très grand âge et la détresse de leurs familles. C'est pour proposer une situation d'hébergement digne, responsable et publique que par le passé fut bâtie à Bagnolet, sous l'impulsion notamment de Josiane Bernard, maire adjointe communiste, la résidence des Quatre Saisons, équipement intercommunal co-géré avec la ville voisine de Romainville. Bien sûr, tout n'y a pas toujours été parfait, mais le personnel a toujours été, lui, très attentif aux familles et aux résidents, les prix pratiqués incomparables avec ceux pratiqués par les opérateurs privés, tout en prodiguant une qualité de soins et de prestations bien supérieures. Lors de la première vague du Covid, si meurtrière, aucun décès n'a été déploré dans cette EHPAD, cité en exemple par de nombreux médias. Nous renouvelons à cette occasion nos remerciements au personnel et aux agents. Comme vous le savez, comme nous l'avons découvert récemment, la résidence des Quatre Saisons connaît une grave crise depuis l'arrivée d'un nouveau directeur. Les témoignages des familles et des salariés font froid dans le dos. Le terme « harcèlement » est évoqué, ce qui semble confirmé par le départ qui se multiplie et qui concerne toutes les catégories de personnel, dont des agents travaillant aux Quatre Saisons depuis sa création. Si tout cela s'avère exact, quelle belle manière de remercier des agents qui ont tant donné ces deux dernières années. Les agents du service public, si mal payés par ailleurs, et les agents du service public aujourd'hui notamment, étaient dans la rue pour l'exprimer. Notre inquiétude n'en est que plus vive quand on sait la difficulté à recruter dans notre département, particulièrement dans le domaine de la santé. Enfin, ce que l'on nous dit aussi, c'est le manque de réponse de la municipalité aux alertes, aux mails, aux courriers émanant du personnel. À ce niveau de souffrance, ce n'est pas acceptable. Nous souhaitons connaître votre point de vue sur cette situation, ce que vous souhaitez faire, et nous espérons bien entendu que tout cela ne cache pas la volonté de casser ces belles outils communal et intercommunal. Merci. Donc quelques éléments de réponse à votre question orale. Et je souhaiterais tout d'abord qu'on évite tout amalgame entre les scandales qui traversent et les polémiques actuelles qui secouent les grands groupes privés et notre établissement intercommunal. Et je salue le travail de Yalana Dino sur sur ce dossier dans ses fonctions de présidente du CA. L'EHPAD intercommunal, la MAPAD, comme on l'appelle, des quatre saisons, traverse une crise RH importante. Mais je vous confirme aussi que la municipalité est pleinement mobilisée pour trouver une sortie de cette crise RH, pour qu'elle ne se transforme pas en crise structurelle et qu'elle n'ait pas de conséquences pour les résidents. Je tiens d'ailleurs à préciser que dès qu'elle a été informée de difficultés au sein de la structure, la présidente a rencontré l'ensemble des personnes concernées et qu'aucune sollicitation n'a été adressée à la ville en tant que telle et au maire de Bagnolet en tant que telle, et que Yalana Dino travaille sur cette affaire depuis plusieurs semaines maintenant. Elle a d'ailleurs convoqué un conseil d'administration extraordinaire le 8 mars dernier pour faire le point sur la situation. C'est de sa propre initiative qu'elle a convoqué ce conseil d'administration extraordinaire. Et elle a répondu, je le disais, à toutes les sollicitations qui lui ont été faites par les agents dans le cadre de ses responsabilités de présidente. Et elle participera à une nouvelle réunion le 30 mars avec des représentants des usagers, avec des agents de la MAPAD. Le dernier conseil d'administration a validé le lancement d'un audit sur le fonctionnement de l'établissement qui sera mené par un organisme tiers. Le centre de gestion a été sollicité en l'occurrence pour mener ce travail et il devra aboutir à des recommandations, à des préconisations et un plan d'action précis pour sortir des difficultés réelles que nous rencontrons au sein de l'établissement. Nous avons un objectif commun primordial, le bien-être de nos résidents et de leurs familles. Et vous pouvez compter sur notre détermination, sur celle de Yalana Dino, pour mener à bien ce travail qu'elle fait avec tout le caractère qu'on peut lui connaître, c'est-à-dire avec beaucoup de détermination et parfois avec beaucoup d'émotion. Voilà ce que je pouvais vous répondre ce soir sur le sujet. On passe aux vœux concernant l'Ukraine et la situation dramatique que l'on connaît. Donc c'est un vœu qui est proposé par l'ensemble des groupes qui siègent au sein de ce conseil municipal. Daouda, vas-y, ensuite on aura l'occasion d'intervenir. Ok, merci Monsieur le maire. Appel à la paix et solidarité avec le peuple ukrainien. Depuis le 24 février 2022, au cœur de l'Europe, le gouvernement de la Russie a décidé, en violation de toutes les règles du droit international, d'envahir militairement l'Ukraine. C'est une déclaration de guerre et le peuple ukrainien est aujourd'hui la proie d'une agression inhumaine. Effroyable que rien ne semble pouvoir arrêter. L'arrêt immédiat des hostilités et l'ouverture des négociations de paix sous l'égide des instances onusiennes et européennes doivent être une priorité. L'ONU doit jouer son rôle et la France a une voix singulière à faire entendre en faveur de la sécurité humaine et de la paix, du droit international et de la coopération solidaire des nations et des peuples. Elle doit jouer un rôle moteur et actif dans la sortie rapide du conflit pour la paix en Ukraine, en Europe et pour tous les peuples du monde. C'est fidèle à sa tradition de solidarité et d'accueil que dès le 8 mars 2022, la municipalité de Bagnolet a mis en place des actions pour accueillir des réfugiés ukrainiens sur son territoire à la demande de l'État. Un point de collecte a été mis en place au sein de l'hôtel de ville et une page dédiée sur le site internet de la ville a été créée afin de relayer les initiatives locales et les demandes nationales, produits à donner, accueil et réfugiés. Le CCAS, également mobilisé, mettra à disposition ses équipes pour l'accompagnement social des réfugiés. Enfin, un signe de solidarité avec le peuple ukrainien, le drapeau de l'Ukraine a été hissé sur l'autel de ville. Ainsi, le conseil municipal de la commune de Bagnolet est réuni ce jour, condamne l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie et appelle à la restauration urgente de la paix. Marque son respect et sa solidarité envers l'État démocratique d'Ukraine et son peuple. Soutient le peuple russe dans sa volonté de faire cesser la guerre qui lui a été imposée par ses dirigeants. Demande le soutien du gouvernement à l'accueil des réfugiés de ce conflit. Confirme que la commune de Bagnolet, en accord avec l'État, souhaite accueillir les réfugiés fuyant les combats afin de trouver sur notre territoire protection et solidarité. Propose une contribution de la ville de Bagnolet au Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales. Appelle à la population à faire connaître aux services municipaux toute offre d'hébergement et à apporter toute aide ou marque de sympathie et de soutien au peuple ukrainien. Demande le soutien du gouvernement à la population française pour la diminution et le blocage du coût de l'énergie rendu insupportable par ce conflit. Demande au gouvernement français d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables et la sobriété énergétique. Merci. Merci, Daouda. Édouard, ensuite Monsieur Lyonnais. Merci pour ce vœu. La tragédie qui se joue devant nos yeux nous a laissé ébahis, je crois que c'est le bon terme, tant depuis les années 80, nos générations, je vais tous nous mettre ensemble, et les générations suivantes pour les plus jeunes d'entre nous, s'étaient éduqués à l'idée que la guerre avait définitivement quitté le continent européen. Et en réalité, la guerre était surtout faite ailleurs et on en faisait peu de cas. Face à cette tragédie en Ukraine, qui est la responsabilité directe du gouvernement de la Fédération de Russie, nous souhaitons, outre le rappel salutaire de la nécessité de faire taire les armes, que pour l'avenir, nous rappelions, pour ce conflit et pour l'avenir, quelques grands principes du droit international. La fin du second conflit mondial a marqué la construction des Nations Unies, et aussi imparfaite soit-elle, on n'a pas trouvé mieux que l'ONU et que sa charte, qui consacre dans ses premiers articles le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'intangibilité des frontières, et c'est ce qui fonde le droit international moderne. Et par la suite, il s'est construit droit international pénal, humanitaire, pour mieux protéger les civils et proscrire surtout les interventions militaires en dehors du cadre des Nations Unies. Et pourtant, depuis longtemps, et même au cours des dernières années, on s'est habitué au pire. On s'est habitué à ce que les États-Unis envahissent l'Irak sans mandat onusien, à ce qu'un prince saoudien reçu en grande pompe à l'Élysée découvre vivant un journaliste opposant, soumette le Yémen au pire bombardement, et ce depuis 7 ans, à ce que le droit international soit bafoué en Palestine en violation de toutes les résolutions des Nations Unies, et enfin à ce qu'un certain nombre de villes syriennes soient réduites en cendres par ce même Vladimir Poutine. Tout ceci nous paraissait bien loin, et concernant l'Ukraine, la proximité nous percute à nouveau. Les réactions que suscite ce conflit, elles sont saines, elles sont nécessaires face aux martyrs ukrainiens. Donc nous devons soutenir inconditionnellement la paix, le droit humanitaire, le respect des frontières, le refus aveugle des politiques de puissance et d'occupation, partout, toujours et aujourd'hui fermement en Ukraine. Et prendre notre part en France, c'est-à-dire accueillir les réfugiés ukrainiens autant qu'il le faudra, mais traiter dignement tous les réfugiés, alors même qu'à Calais, on lacère des tentes et on empêche que ces femmes et ces hommes puissent accéder à la nourriture. C'est ça qui se passe aujourd'hui sur le territoire français. Accueillons-les tous dignement. On doit défendre notre rôle dans le concert des nations pour faire taire les armes en Ukraine et partout ailleurs où les politiques expansionnistes, coloniales, violentes se nouent. Donc il faut que cette réaction unanime au martyr ukrainien ravive notre soif d'égalité pour la dignité humaine. Et ce vœu communal y contribue, puisque je rappelle que nous demandons dedans l'accueil des réfugiés ukrainiens, comme nous l'avons fait à Bagnolet au cœur de l'été dernier 2021, quand il s'agissait des réfugiés afghanes et afghans, comme d'autres au cours des années précédentes. Et je voudrais ajouter une petite mention particulière, mais là je l'ai avec ma casquette des lieux à l'éducation, que les familles que nous accueillerons puissent scolariser leurs enfants. Là encore, il en va de notre nécessaire humanité. Et je pense que le rappeler pendant cette période électorale où les pires propos ont été entendus, et encore, elle n'est pas terminée, cela nous semble salutaire. Je vous remercie. Merci, Edouard. Monsieur Vionnet. Oui, on a plutôt prévu que ce soit Mohamed Jenan qui intervienne au nom de notre groupe, mais je voulais juste parvenir sur le fond, parce que Mohamed le fera, et puis je pense qu'on partage dans cet hémicycle tous la même émotion et la même colère. Mais je voulais juste, sur la forme, signaler une chose, parce que je crois que c'est la première fois depuis le début de ce mandat qu'il y a un vœu porté par l'ensemble des groupes. Nous avons eu des échanges avec vous, Monsieur Di Martino, via votre directrice de cabinet, et je voulais... Je suis assez souvent un critique sans ménagement, mais je voulais constater que sur la forme, nous avions eu des échanges tout à fait constructifs et de qualité. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais avec mes collègues voter le vœu, auquel j'aurais pu apporter quelques nuances, mais elles seraient mineures au regard de l'extrême gravité de la situation générée par Vladimir Poutine. Ces choix, ceux de Vladimir Poutine, sont un crime contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un pays et contre le droit international. À Bagnolet, c'est bien que nous marquions ce soir sur ce sujet un consensus du Conseil. Le martyr du peuple ukrainien, les morts, femmes, enfants, vieillards, les destructions de maisons, d'écoles, d'hôpitaux, de maternités, des villages rasés, des images déchirantes qui ne nous donnent qu'une idée partielle de ce qui se déroule à quelques heures de chez nous. Notre solidarité est totale et la condamnation de Vladimir Poutine est sans appel. Ces crimes méritent un jugement demain devant une cour du tribunal international. La guerre, on l'a dit, frappe notre continent. C'est une donnée nouvelle de ce siècle. Le pire est envisageable, un engrenage mortifère pour la planète. Il faut l'éviter, car c'est une voie sans issue. Je ne suis pas de ceux qui disent, comme on l'entend parfois, qu'expliquer, c'est être complice, voire cautionner, ou que faire des propositions de paix, c'est capituler face à Poutine. La paix est un impératif, car il n'y a pas d'autre issue. Parler de paix, c'est parler de la protection du peuple ukrainien qui, depuis 3 semaines, vit l'horreur et dont l'avancée et l'occupation de l'armée russe provoquent des victimes en grand nombre, destruction d'habitations, d'infrastructures vitales et exode massif de population. Parler de paix, c'est dire non à la guerre et non à toute escalade pour éviter un engrenage qui embraserait la région, au pire, déclencherait l'utilisation de l'arme nucléaire. Le danger de dérapage irréparable et incontrôlable menace à tout moment. Parler de paix, c'est réfléchir dès maintenant à la construction d'un grand mouvement mondial pour la paix et la sécurité du monde. La construction de la paix doit redevenir une grande cause mondiale. La multiplication des guerres, avec ce que les entraîne et provoque comme catastrophe humanitaire, on le voit en Afghanistan, au Yémen, au Proche-Orient, en Libye, au Sahel, au Congo, doivent nous appeler à la raison. Pour notre avenir, pour celui de nos enfants, pour celui de l'humanité, construire la paix est à nouveau la plus grande des batailles. Cela implique de refonder l'ONU, de créer de nouvelles instances internationales pour résoudre pacifiquement les multiples conflits. L'utilisation de la force comme principe du droit du plus fort, les interventions militaires, parfois sans mandat de l'ONU, avec leur lot de mensonges, sont autant d'illustrations de l'utilisation de la force dans un cadre impérialiste. De même, l'extension de l'OTAN ne peut et ne doit pas être la solution. elle sera le facteur de nouveaux conflits sur la planète. La solution au conflit n'est pas militaire, mais politique. Chaque jour supplémentaire de guerre est un jour de destruction. L'urgence est d'arrêter les combats, de faire taire les armes pour ouvrir dans la foulée des négociations politiques sous l'égide de l'ONU. Aussi, et il faut le rappeler ce soir, notre pleine solidarité aux courageuses voix russes pour la paix. Elles doivent être soutenues parce qu'elles prennent aujourd'hui beaucoup de risques pour s'opposer à la guerre et à Vladimir Poutine. Plein soutien également aux peuples nombreux qui risquent bientôt la rupture alimentaire. Nous sommes, sur le sujet, mobilisés. Politiquement déjà, pour des mesures d'urgence en direction des populations les plus fragiles. Et en acte aussi, avec la distribution organisée tous les 15 jours au local du Parti communiste, en partenariat avec le Secours populaire français et d'autres associations. J'aimerais dire merci aux bénévoles qui, depuis plus de 2 ans, du début de la pandémie à aujourd'hui, contribuent à cet effort. Sur l'accueil des réfugiés, je partage totalement l'esprit du vœu. La question des réfugiés, au-delà des Ukrainiens, est une des données majeures. Ce qui est positif, c'est qu'un vrai élan de solidarité a vu le jour. Cet élan de solidarité doit être l'occasion de réfléchir ensemble à ce monde où tous les réfugiés des guerres, de la famine, des réfugiés du climat doivent bénéficier de la solidarité mondiale. Mais aujourd'hui, sans attendre, tout doit être entrepris pour protéger la population ukrainienne. Le travail humanitaire sur place doit être soutenu et protégé. La solidarité internationale amplifiée et le réfugié accueilli sans trait racial ni religieux. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions ? Jean-Claude. Oui, juste quelques mots. Je partage bien tout ce qui a été dit. Il y a dans le vœu que nous avons rédigé en commun, il y a 3 éléments. Il y a un premier élément qui est « il faut absolument qu'on arrête cette guerre ». Et là, je dois dire que c'est un débat, une réflexion difficile, parce qu'en fait, on est sur une ligne de crête entre, je dirais, d'un côté, il faut qu'on ait un rapport de force avec les dirigeants actuels de la Russie, avec Poutine et les généraux qui l'entourent, et d'un autre côté, il ne faut pas qu'on aille dans une escalade militaire qui serait une confrontation nucléaire. Donc voilà, on est dans cette situation. Cette situation, elle mérite... on est dans un débat très respectueux des uns des autres. Cette situation, elle mérite vraiment ce débat-là, cette réflexion, cet approfondissement entre nous, mais enfin au-delà de nous, je dirais au niveau national, entre toutes les forces de gauche, écologistes et au-delà. C'est une première chose. On voit aussi, moi, ce qui me frappe dans cette situation, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on se reposait depuis des années qui finalement ne marchent pas. Parce que c'est aussi une des conclusions qu'on peut, une des leçons qu'on peut tirer de cette situation. C'est-à-dire on se repose depuis des années, on nous explique que la dissuasion nucléaire, c'est ce qui nous sauve. Sauf qu'aujourd'hui, on voit l'agression d'un pays européen par un autre pays européen et qui est détenteur de l'arme nucléaire. Et au contraire, le nucléaire nous empêche de réagir. Donc voilà, c'est des réflexions quand même qui nous... On est dans une nouvelle phase, on n'est pas encore, je dirais, ni les uns ni les autres au bout de nos réflexions, mais voilà, c'est assez inconfortable. Deuxième chose, l'accueil des réfugiés. L'accueil des réfugiés, donc Bagnolet, on est une ville très engagée là-dedans. Là, ça pose toute une série d'autres questions, parce qu'effectivement, c'est insupportable le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, les Ukrainiens, c'est très bien, mais pourquoi ce qui se passe à Calais? Pourquoi les Afghans, il n'y a pas eu la même chose? Pourquoi les Syriens, etc. Donc là, il y a des questions pour la France, il y a des questions pour l'Europe qu'il faut se poser. Et le troisième élément que je vois dans ce vœu, c'est un peu sur la conclusion, c'est que ça pose aussi, il y a d'autres questions qui sont derrière, avec cette guerre, toutes les questions de l'énergie, du pétrole, du gaz, voilà, et qui fait qu'on est, la France et d'autres pays européens encore plus, on est quand même dépendant du gaz et du pétrole russe, et qu'on sait que c'est en même temps ces questions-là qui posent problème sur aujourd'hui dans le dérèglement climatique, qui est quand même l'autre grande question, l'autre grande crise à laquelle on est confronté. Il est indispensable aussi de commencer à traiter ces questions sur le fond. C'est-à-dire traiter ces questions sur le fond, ça veut dire sortir de ces dépendances, ça veut dire les énergies renouvelables, ça veut dire aussi la sobriété énergétique, et pas le nucléaire. Oui, très rapidement. Donc, au vu de l'unité autour de ce vœu ce soir et de toutes les raisons qui ont été invoquées, je pense que ce serait une grande fierté au fait que la ville de Bagnolet hisse également le drapeau aux couleurs de la paix. Municipalités qui l'ont fait, en fait, qui ont aussi mis les drapeaux couleur de la paix. Non, ça vous dit rien, le drapeau? Ben voilà. Oui. Donc moi, je voulais juste rajouter quelque chose, un petit quelque chose, c'est que moi, je suis bien évidemment pour qu'on arrête cette guerre. Mais pas que. Je suis pour qu'on arrête toutes les guerres dans le monde, dans le moyen, la mesure du possible, parce que la guerre, c'est la misère. Et quand c'est la misère, on essaie de se réfugier où on peut, ou d'émigrer où on peut. C'est pour cette raison que, pour moi, voilà, la guerre, elle doit cesser dans le monde. Et puis voilà. Monsieur le maire, juste une petite remarque, s'il vous plaît. C'est par rapport au drapeau. Sur le fronton de l'ancienne mairie, on a ici le drapeau de l'Ukraine. C'est bien. Mais quand on regarde, à côté, il y a un autre drapeau, c'est le drapeau français. Il est dans un état que je ne peux pas qualifier. Je pense qu'il serait bien de mettre un autre drapeau propre. Voilà.